emmener Skyrock partout avec toi. Ah, c'est super. L'appli Radio Skyrock, naturellement gratuite. Yo, what's up? This is G-Eazy on Skyrock. Rap, R&B, non-stop. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Yeah. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of trick about this modesty. I just need space to do me, get away what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. I keep going like, why stop? When I'm out in Paris, I'm a skyrock, yeah, yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life, yeah. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Nights I laid awake, pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, yeah, it's no debate. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Me, myself, and I sur Skyrock. Coucou, on est là. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Comment va ton épaule, Difou? Ça va bien. Vous avez vu ceux qui faisaient des pronostics, qui disaient que j'étais pas là, que je serais pas là demain. Ils disaient ça hier soir. Et vous savez que je lui ai servi d'infirmier, j'étais obligé de lui bander le bras. Oui, j'ai une. Comment ça s'appelle? Une attelle, mais il y a un nom médical, hein. Comment, je sais plus le nom, ouais. Voilà. Un truc pour caler l'épaule, en gros. Un gilet de contention d'épaule. Merci, un gilet de contention d'épaule. Il y a un autre nom. C'est comme une écharpe. Voilà, on vous salue, on vous souhaite une bonne journée. J'ai, comme les footballeurs, une élongation aujourd'hui à l'épaule. Magnifique, ça tombe bien. Attends, c'est une élongation, une tendinite. Ça a changé. Ah ouais, tendinite. Une tendinite à l'épaule. On va vous offrir vos places de foot tout à l'heure. On vous souhaite déjà une belle journée. On va faire les infos avec Rémi. Dépêche-toi, Rémi, les 6h01, on y va. Les infos, on démarre par la météo. Et encore 13 départements en vigilance crue ce matin, même si le niveau de l'eau a sérieusement baissé. C'est rouge en Seine-et-Marne et orange pour les autres départements d'Île-de-France. Et pour quasiment tous les départements du centre, côté ciel, eh ben ça se calme aujourd'hui avec beaucoup moins de pluie, même si la grisaille va encore dominer partout. Le soleil reviendra au fil des heures dans la moitié sud et en Bretagne. Et puis demain samedi, la pluie s'invitera partout, mais de manière mesurée, sauf le long du littoral atlantique. Alors que ça ira mieux dimanche, même si on aura quelques averses localisées en Île-de-France, sur le centre et sur les Alpes. Les températures ce matin, entre 9 et 16 degrés, on a 12 du côté de Lille, 13 à Lyon et à Paris, et puis 16 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 15 à Beauvais, 16 à Rouen, 17 à Lille, 18 à Paris, 20 à Saint-Etienne, 21 à Limoges, 22 à Marseille, 23 à Bordeaux et 26 à Avignon. Et puis la pollution, pas trop mal, les indices sont compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Valenciennes, Metz, Nîmes et Perpignan. Et oui, exclu total sur Skyrock, on l'a reçu. C'est le nouveau Gims, la BO de camping, c'est dans un instant après l'actu et le sport. C'est aujourd'hui que la Seine devrait atteindre son plus haut niveau à Paris pendant cette période de crue version 2016. 6 mètres, hein, 7 c'est assez impressionnant. Les voies sur berge sont totalement inondées, les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés pour évacuer les œuvres en réserve. La portion du RERC qui passe dans la capitale est suspendue depuis hier 16h et au moins jusqu'à lundi. La 10 entre Paris et Orléans dans les deux sens reste impraticable. Un cavalier de 74 ans est mort dans le Val-de-Marne. Il a voulu traverser un champ inondé mais son cheval a fait une chute. 20 000 personnes ont été évacuées depuis le début de la semaine. Les pompiers sont intervenus 16 000 fois et 19 000 foyers sont encore privés de courant. François Hollande a affirmé hier que l'état de catastrophe naturelle sera décrété dès le prochain Conseil des ministres mercredi. Manuel Valls se rendra aujourd'hui dans l'Essonne où les dégâts sont assez importants, notamment à Longjumeau. La guerre des nerfs qui continue entre le gouvernement et les opposants à la loi travail à 7 jours de l'euro. Ça continue à la SNCF. Troisième jour de mobilisation avec des perturbations alors que le week-end commence dans quelques heures. Prévision identique à celle d'hier. 40% des Transiliens et des RER, un tiers des Intercités, la moitié des TER et 6 TGV sur 10. En ce qui concerne les raffineries, la direction de Total souhaite redémarrer celle de Donges en Loire-Atlantique. Une assemblée générale des salariés est prévue aujourd'hui. Enfin, vous devez savoir que les syndicats d'Air France ont voté une grève du 11 au 14 juin. Ça risque d'être compliqué puisque c'est le premier week-end de l'Euro. Et puis du sport et du foot, du changement radical et un nouveau cycle pour le PSG. C'est le boss Nasser Al-Khelaïfi qui l'annonce aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Contrairement à ce qui a été dit, le grand patron dresse un bilan négatif de la saison. Il estime que le pire moment depuis son arrivée à Paris, ça a été lors de l'élimination de la Champions League. Il poursuit avec un constat sans appel. Si on continue comme ça, on ne va pas y arriver. Chacun se fera son avis, mais certains qui lisent entre les lignes s'interrogent même sur le futur de Laurent Blanc. Pas d'annonce pour l'instant, mais le coach pourrait être le grand absent du projet PSG nouvelle version. Et voilà de bonnes nouvelles pour nos amis du PSG. Salut Karim. Salut. Salut. Bien mon frère. C'est surtout pour Laurent Blanc la bonne nouvelle. Oui, en plus. Merci Rémi pour les infos. On t'entend tout à l'heure à 6h30, les 6h04. C'est parti pour le morning. Aujourd'hui, c'est enfin vendredi. Et c'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. Et en direct, on est avec vous jusqu'à 9h. J'espère que ça va bien. Vendredi matin, dernière émission de la semaine. Eh ouais. Avec DJ Roro qui vient nous rendre visite avant 6h30. Tout à l'heure, il sera beau. Ouais. C'est DJ Roro. Il va être dans un bel état, tiens. Oui, vendredi. Parce que là, il va en décalage horaire avec Ibiza. C'est toujours Ibiza. Dingue. Bonjour Romano d'ailleurs. Bonjour. Comment ça va? Ça va, moi. Moi. Alors? Comment vas-tu, Difool? Ah, moi, j'ai beaucoup souffert avec ma tendinite. Mais à part ça, ça va et je suis très heureux de vous retrouver et de vaincre de la douleur pour vous. Pour retrouver Cariole. Oui, bonjour. Pour retrouver Karim. Et oui, bonjour à tous. Pour retrouver Cédric. Eh ouais, salut du foot. J'aurais peut-être dû rester au lit ce matin. Ouais. Et puis vous retrouvez vous, bien sûr. Merci à vous d'être là. Merci pour tous les messages que vous nous laissez dès ce matin. Vous voulez vos places de foot? Un match de l'équipe de France a gagné ce matin. Je vous l'annonce dès maintenant. Et avant 8h du matin, avant 9. Bon, allez, je vais même vous dire, juste après 7h30, on vous offrira l'Euro 2016. C'est à gagner sur Skyrock. Il y a 200 places cette semaine à choper. L'Euro est à nous. L'Euro va nous rendre heureux ce matin. Bah, j'espère. Notez bien les numéros pour nous joindre, surtout pour les nouveaux. C'est le 41 759. Ça, c'est pour envoyer des SMS. L'appli Skyrock aussi. Et puis, d'ici. Allez, d'ici 1h30, vous avez vos places en poche pour aller voir les Bleus à l'Euro. Tous les matchs de l'Euro, du début jusqu'à la finale, les matchs dans toute la France. Hello, les Bleus. À gagner sur Skyrock. Allez, les Bleus. Alors, je sais pas si vous avez bien dormi. Moi, c'était moyen, mais j'ai réussi à dormir quand même. Ah, c'est bien. Oui, malgré ma douleur. Je vous ai dit que j'avais une tendinite. Ah non? Non. Ah, bah, j'ai une tendinite. La tendinite à l'épaule. On me demande où est-ce que tu as une tendinite, mon pauvre Difool. Ça fait horriblement mal. Je suis d'accord avec toi, PS5. Bonjour. La PS5 nous écoute. Comment on va avoir mal à la tête au bout d'un moment. Possible. Tu dis ça pour le nouveau Guinness qu'on va passer? Non, pas du tout. Non. C'est pas sympa. Non, bah attends, quoi que, on sait pas. Hein. Hey, on va le découvrir ensemble. Alors, nouveauté exclue totale pour démarrer le morning. Le nouveau maître Gims, dans un instant, le réveil de star à 6h20, je vous ai dit, vos iPhone ou alors vos Galaxy S5 à choper. Et puis tout de suite, écoutez bien, ma beauté, c'est pour vous, ma beauté, le nouveau maître Gims, la BO de camping. Vous l'écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Et alors, dans un instant, on n'attend pas Patrick. On n'attend pas sa petite beauté. Ben oui. Et dans un instant aussi, le réveil de star. Réveil de star football ce matin, une des stars du foot. Viens réveiller les familles, préparez-vous. Juste après Gims, bon vendredi, bonne journée. Il est 6h06. C'est le morning de Difool. The morning show. 6h09h sur Skyrock. C'est ça le nouveau Gims. Je vous ai dit que j'avais une tendinite. Oui, nous on va écouter Gims. Ah d'accord. Ça serait gentil. Ok. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie. Fantôme, face à moi-même, je pleure comme pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes, j'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Maître Gims, le nouveau Maître Gims sur Skyrock, découverte Skyrock, le tout nouveau. C'est la BO de Camping, le film qui va sortir. Ouais, il sort fin juin, je crois. Il sort fin juin, le nouveau Camping, pour l'été, c'est super. Alors, on attend pas Patrick. Et alors, pastis partant bleu, pastis heureux. Et ben nous, on a bien fait d'entendre le Maître Gims. Ce nouveau, il s'appelle Ma Beauté. Nouveau Gims sur Skyrock, vous pouvez laisser votre avis, allez-y, hein, sur le hashtag Morning de Difool, sur le 41759 et sur l'appli Skyrock, à tous les messages qui arrivent dans le studio. Bon, j'espère que ça va bien ce matin. On est bien réveillé. Il est 6h10. Je vous ai dit que j'avais une tendinite. Oui. Ah, d'accord, okay. Je crois qu'on est au courant là. Je crois que tu commences à nous les briser. Il n'est que 6h10. Ouais. Et à 6h10, c'est cas du Doliprane. Vous savez, je voulais vous demander un petit truc. Est-ce que vous avez déjà pris des cassons qui vous shootent? Parce que là, j'ai l'impression d'être complètement foncedé ce matin. Oui, régulièrement, moi. Non. Oui, non, c'est pas le truc qui se fume, hein, Cariole. Hein, c'est des petits cachets. Hein. Non, j'ai eu l'occasion d'être malade et ça. Moi, j'aime pas du tout prendre les médicaments, t'es pas bien. Oh, écoute. Ça va? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, ces médocs. Ça fait planer un peu. C'est plutôt cool. Moi, je me souviens, ouais, moi, j'avais pris des trucs pour l'asthme, il m'envoyait de la cortisone à tout va. Ça me mettait un peu au taquet, quoi. Il était en pleine forme. Ah, la cortisone, t'as l'impression d'être sous cocaïne. Hein. Donc, quand t'es à haute dose. Très bien, tu n'as pas sur toi, Romano? Non, mais t'en as pas donné? Non. Dans les conseils pas chers, peut-être. Ouais, peut-être. Si tu veux, je peux te vendre 2-3 médocs. Exactement, ouais. Maladie de sportif que j'ai tendinite. Et oui. Bon, prépare-moi avec le mort avec Thrift Shop. Mais tout de suite, voici celui notre qui va, star. Ouais, qui va réveiller les familles ce matin. Il est là. Lisa Razou. Ah, c'est Lisa Razou. C'est. Lisa Razou. Lisa Razou. C'est. Lisa Razou. Razou. Allez, c'est parti. Allez, réveil de star. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Alors, on a appelé une famille pour la réveiller ce matin. On l'a appelé avec Lisa Razou. T'aimerais bien te faire réveiller par Bichente Lisa Razou, Cariole? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est tout petit comme Romano. Il est petit, mais il est pas mal. Il est petit, trapu, un peu comme Romano. Ouais, mais j'aime bien. Ça me dérange pas. Les petits trapus, ça me dérange pas. Je sais. Non, mais je suis pas petit trapu, moi. Si, t'es un peu tassé quand même. Non, je suis pas trapu. Trapu, c'est assez large. C'est... Je mets pas des perfectos comme Lisa, moi. Mais tu devrais. 1m54, hein, c'est un peu la taille de Lisa Razou. La même chose. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas grand. Tu m'as reconnu, Lisa, c'est Difool. Salut Didier. Non, pas Didier, Difool. Bon, on va le retrouver avec les familles de France. J'espère que le contact va bien se passer. Ah, c'est un Didier qu'on appelle. Ah. Allez, un Didier pour Bichente ce matin. Allez, Didier. Et oui, Skyrock est premier sur le foot. Et je vous le rappelle, on vous filera vos places pour un match de l'équipe de France tout à l'heure. Un match des Bleus. Oui, à 7h30. Pour l'Euro. Allô. Salut Didier. Qui est-ce? Lisa. Bah oui, sûrement. Tu commences à voir l'Euro qui se pointe. Ouais. La ferveur, tu commences à la sentir. Ouais. Un petit peu, oui. Alors, je voulais revenir sur cette liste. Est-ce que t'as tremblé? Est-ce que tu as transpiré parfois pour la faire, cette liste de 23? Non, pourquoi? Le plus difficile, ça a été la décision concernant Benzema, Valbuena. Oh, pas du tout. Tu as pris cette décision-là. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Bah, c'est pas moi, c'est la fédération. Noël Le Graët, ton président, a fixé comme objectif minimum demi-finale à l'Euro. Je crois, oui, oui. Est-ce que c'est ton objectif aussi, ton objectif minimum? Ah bah oui. Hein. Comment tu vas recomposer cette défense centrale? Bah, je vais mettre le même. Hein. Koscielny, Rami, ouais. Koscielny, Mangala. Voilà. Non, Rami. Pardon? Bah, sinon, c'était pas la peine de le mettre contre le Cameroun. Bien vu. Bah, il faut lui laisser le temps de connaître les autres joueurs. Hein. Ça fait 3 ans qu'il a pas joué en équipe de France. Ça t'inquiète? Bon, pas plus que ça. À partir du moment où on marque un but de plus, il n'y a pas de problème. On a une super attaque. Hein. On a des jeunes, on a un bon milieu de terrain. Donc, il n'y a pas de souci. Puis, on a un bon gardien. Professionnellement, si tu veux, j'ai eu tous les succès que je pouvais imaginer. Pourquoi t'es pas resté sur Canal? On m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit ça plusieurs fois. Ça a tendance à m'énerver. Bon, Canal, c'est quand même mieux. Hein. Au niveau football, au niveau sport, au niveau retransmission de match, c'est quand même plus intéressant. Prends ça dans la gueule. Quand tu fais de la télévision le matin, c'est compliqué d'avoir une tête complètement éveillée. C'est un choix que t'as fait. Hein. J'essaye d'avoir une attitude juste professionnelle. Tu commandes bien les matchs, ouais. T'analyses bien. C'est varié. Ouais. C'est riche. Ouais, bah, on doit. Ceci dit, on doit pas beaucoup. Hein. Parce que moi, je regarde pas téléfoot hein, le dimanche matin. Hein. C'est surprenant. Ah bah non, hein, je suis sur Canal, moi, c'est bon. Hein. Le foot, c'est important dans ma vie, mais c'est pas suffisant. Ah ouais. Tu fais du surf, toi? Oui. Ouais. Bon match. Bah merci, à toi aussi. Hein. Commande bien. Hein. Connard. Salut. Merci. Ah oui, Lisa Razzo s'est rendu compte qu'il ne parlait pas à Didier Deschamps, mais à la fin. Oui. Et ouais. Non, mais en tout cas, mec, il était sympa, le gars. Non, mais il se connaît en foot. Hein. T'as vu un peu. Ouais, tu fais du surf aussi. Il a bien joué le jeu, le gars. Ouais, Canal. Canal, pourquoi t'es parti de Canal? Bichente, Lisa Razzo a réveillé Didier, mais c'était pas Didier Deschamps, Bichente. Non. Je crois qu'il s'est trompé. Oui. Je crois que ça l'a rendu compte avec le mot qu'il a dit à la fin. Mais ouais. Connard. L'Euro a gagné tout à l'heure sur Skyrock et dans un instant. Après le foot, le son. Vous allez pouvoir tester vos connaissances musicales. Si vous êtes connaissez en musique, eh bien vous allez pouvoir gagner vos téléphones iPhone 6S, Galaxy S7. Oui, l'un ou l'autre, c'est vous qui choisissez. Mais pour ça, il faudra être plus fort que les platines de DJ Roro. Il arrive, je crois qu'il va mettre le feu. Exactement. C'est un moment assez chaud. Oh oui, ah, Lisa, oui. C'est un moment assez chaud. DJ Roro is on fire. Yes. Chaque vendredi, il est là. Il arrive après Macklemore sur Skyrock. Pour vos téléphones à gagner, préparez-vous. C'est juste après Flip Shop sur Sky. En direct de la part, c'est le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. 6h-9h tous les matins. Hey Macklemore, can we go thrift shopping? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Now walk into the club like, what up? I got a big. I'm just pumped, I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to my mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. but sh- it was 99 cents. Copping it, washing it, about to go and get some compliments, passing up on those moccasins. Someone else has been walking in, bummy and grungy, f***ing man. I am stunting and flossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style, I'ma take your grandpa style. No, for real, ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers, dookie brown leather jacket that I found, dig it. It had a broken keyboard, I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket, then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hello. I could take some pro wings, make them cool, sell those. So sneak ahead to be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible. I'm in this big air coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes, damn right. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big air coat from that thrift shop down the Let's road. Go, I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Macklemore, le gros son de Skyrock pour se réveiller. On écoutait, oh oui, t'es dans la fight, le petit, la petite. On écoutait Fave Shop sur Skyrock. 6h18, c'est l'heure de retrouver DJ Roro. Est-ce que vous êtes chaud? Mais tu es déjà là, DJ Roro. Il est prêt pour l'euro. Et tu sais, DJ Roro, que dans une semaine, il va falloir ambiancer le studio, ambiancer Skyrock. Ce sera le jour de l'euro dans une Mais semaine. Mais il n'y a aucun problème. Allez, les bleus, allez. Le jour de France, Roumanie, semaine prochaine. Et des places pour l'équipe de France à gagner ce matin. Je vous le dis, vous êtes levé tôt, vous êtes les premiers informés. Place pour France-Roumanie à choper. Non, place pour. Oh, je l'ai dit. Place pour. Oui, bah, un match de l'équipe de France à choper avant 9h du matin. Ce sera, même à, sera même à 7h30. Allez, bon. Les bleus, allez. Allez, allez. Et là, c'est l'heure de la musique, l'heure du son, du bon son. DJ Roro et ses platines là. Allez, c'est parti, jingle et j'envoie tout. Allez, là, on va le voir. DJ Roro. Tempo. Vous voulez gagner vos téléphones, l'iPhone 6S, le Galaxy S7, c'est pour vous, c'est au choix, c'est avec DJ Roro. Et comme tous les vendredis matins, il va nous chanter une chanson. Évidemment que je vais vous chanter une chanson, ça sera la chanson de sélection. Et une chanson de sélection pour être sélectionné et jouer contre un auditeur ou une auditrice de Skyrock. Vous êtes deux à jouer avec nous, mais il n'y a qu'un téléphone pour deux. C'est ça la magie du match. C'est la magie du match. Et bah tiens. Vas-y, DJ. Voilà du boudin. Écoutez bien, c'est voilà du boudin, la chanson de ce matin. Non, c'est pas ça. Ah, j'étais inspiré en regardant Cédric. Ah, bon. Il sort ses platines dans un instant, mais pour l'instant, il nous fait profiter de ses cordes vocales et de sa voix d'or. Oui, car je suis DJ animateur chanteur. Vous reconnaissez le morceau qui va nous chanter DJ Roro, vous envoyez vos messages au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Attention, chanteur américain, pas tout à fait américain d'ailleurs. Ah, chanteur américain, mais pas tout à fait américain. C'est l'indice que vous donne DJ Roro, il est gentil. Sympa. Eh oui. Beau gosse, c'est un beau gosse. C'est un beau gosse qui chante le morceau original, hein, pas DJ Roro. Hein. Je suis beau gosse aussi. Hein. je peux y aller? Allez. Oh, pas mal. Mais pourquoi t'as fait comme ça, hein? Parce que j'ai pas réussi à brancher mon autotune, alors bon, je me démerde comme je peux. Hein. Très bien. Et j'ai reconnu. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez la bonne réponse, très très vite à mon top. Allez, c'est parti. Vous nous laissez votre réponse, ou le titre, ou le morceau, et dans un instant, vous jouez avec nous avec le grand quiz de DJ Roro. Ça va être chaud. Oh, mais c'est déjà chaud. Il est 6h21 sur Sky. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, offre 200 places sur Skyrock. Pour assister à l'un des matchs de l'Euro 2016, écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places de foot. 200 places, 200 places pour l'Euro 2016. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016. Merci Sky. But lance sa nouvelle collection. Venez vite la découvrir et en ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement. But, c'est nous. Produits signalés en magasin et sur but.fr. Soche présente. Eh, tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez Soche. Ben Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude. Non mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah super, je vais passer chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche! Rapport

Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Platine, 816 boules à facettes, 59 machines à fumer, c'est DJ Robo. Et oui, il est là tous les vendredis matins pour nous réveiller dans le morning, DJ Robo. Alerte rouge, j'arrive, ça va être le feu. Il arrive sur son bateau aujourd'hui. DJ Roro, il a pu venir. Vous savez, ces inondations, ça a un côté génial. Bon, vraiment, c'est que tu peux venir de Ibiza en bateau maintenant. Eh oui, directement. Ibiza Paris en bateau, c'est idéal. Eh, bon courage pour les inondations, justement. On oui, bon courage. On en reparle avec Rémi, mais on accueille Mickaël de Villeparisis en direct avec nous. Bonjour, Mickaël. Salut. Salut, salut, l'équipe. Salut, salut. Mickaël. T'es pas inondé, Mickaël, toi, ça va? Non, ça va chez nous. Ça va, ça va. Et on va du côté de Pau chez Chloé. Bonjour, Chloé. Salut, Chloé. Salut. Salut ma chérie, comment ça va? Ça va super. Ça va super. Chloé contre Mickaël. Vous allez jouer avec nous. DJ Roro vous a chanté ça il y a un instant. Attention. Alors, alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez reconnu Drake. Drake, Hotline Bling. Bien joué. Bien joué. Un point chacun. Un point chacun. Le gagnant ou la gagnante sera celui ou celle qui marquera 3 points, il vous reste 2 points à marquer. Attention, le match va commencer. Vous écoutez bien ce qu'il va mixer, DJ Roro. Il mixe comme un dieu, on l'appelle DJ Roro aux mains d'or. Waouh, exactement, c'est tout moi. Et oui, c'est lui. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts, Mickaël et Chloé? Oui. Alors, eh bien, je vais envoyer le premier extrait musical. Et le premier ou la première qui découvre marque son deuxième point. Attention, musique. Il faut ou le titre ou... Boum. Le titre ou le titre ou l'artiste. Alors qui c'est? Un titre qu'on a découvert en France et en Europe sur Skyrock. Dans c'est, le morning. C'est un beau gosse comme DJ Roro. Ouais. Et il danse bien. Et ça faisait 3 ans qu'il n'est pas sorti de titre. Un beau gosse. Il est aussi comédien. Il est blond. Justin Timberlake. Oui. Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Un point pour Mickaël. Ça fait 2 points, Mickaël. Oui, 2 à 1. Chloé, attention, attention. Hein. Ouais. Attention, attention. Allez, un autre. Attention, on est reparti. Nouvel extrait musical. C'est peut-être déjà la balle de match. Mickaël, Chloé, c'est à vous. Calvin Harris. Ouais, Calvin Harris. Ah bah c'est bon. Et Rihanna. Oh, qu'il est fort. Oh là là, qu'il est fort ce Mickaël. Ah ouais. Ouais. Rihanna Calvin Harris avec This Is What You Came For. Oh. Deux sons que vous avez découvert sur Skyrock. Et 1 et 2 et 3 points pour Mickaël. Mickaël, tu gagnes le jeu de DJ Roro. Ah, ce matin. Bravo. C'est gagné. Merci, merci DJ Roro. D'aide de rien, Mickaël. Bravo, Chloé. Pas trop déçu. Chloé. A priori, oui. Si. Chloé, ne pleure pas, Chloé. Non, je pleure pas. On va t'envoyer le t-shirt Skyrock, tu seras belle avec ton t-shirt oui. Skyrock. Et je te fais un gros bisou de la part de DJ Roro. Mmh, je pars d'avoir un mot aussi. Ah oui, oh, oui. Mickaël, tu veux un bisou de DJ Roro? Ah, je veux un gros bisou de DJ Roro. Oh, c'est mignon. Hein. Eh bien, Mickaël, tu gagnes ton téléphone parce que le bisou, hein, tu l'as eu. Le téléphone, pas encore. Lequel tu veux, iPhone 6S ou Galaxy S7? S7. S7, ça veut dire Samsung. Eh oui. Eh bien, ça. Ton Samsung, on t'envoie la maison, il y en aura d'autres à gagner. Tout à l'heure, on jouera à Info Mytho avant 9h, hein, je vous le dis. Ouais. Eh bien, Mickaël, ton téléphone arrive à la maison à Villeparisis. Chloé, tu as les bisous de DJ Roro et le super t-shirt Skyrock. Et même des bisous de toute l'équipe. Et un gros bisou. Oh, on t'envoie ça à la maison. Et Mickaël, bah, la prochaine fois que tu nous rappelles, c'est avec ton Samsung, ok? Oui, Galaxy S7. Ah, oui. Et bien, c'est parti. Eh bien, gros bisous. C'est parti, direction Villeparisis pour le premier téléphone de la matinée. Et attention, Cédric, est-ce que tu es prêt? Ouais. Attention à toi. On n'est pas fatigué. Eh bien c'est. Eh bien Cédric. Génial. C'est une bonne nouvelle. Salut tous les deux. Ciao. Il est 6h30, 6h31 même sur Skyrock. Avant avant 8h et à 7h30 précisément. Donc dans une heure, on lancera le top pour vous offrir vos places de foot pour aller voir un match de l'équipe de France à gagner sur Skyrock. Évidemment, comme toute la journée, vous avez 200 places à choper sur Sky pour tous les matchs de l'Euro 2016 qui démarre dans pile poil une semaine. On est tout excités là. Allez les bleus. Allez les bleus. Et allez Florida dans un instant avec My House. Tiens, on va parler du week-end. On est vendredi. C'est dans un instant sur Skyrock. Vous pouvez déjà nous dire ce que vous avez prévu de faire ce week-end. Une petite connerie à faire au téléphone avant, avant 7h. Ah bah oui. De l'amour à 6h45. Et puis les infos de Rémi à 6h32. Ouais. On va démarrer par la météo, Rémi, pour aujourd'hui. Et on a encore 13 départements en vigilance crue ce matin, même si le niveau de l'eau a sérieusement baissé. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est rouge en Seine-et-Marne et orange pour les autres départements d'Île-de-France et pour quasiment tous les départements du centre. Côté ciel, eh bien, ça se calme aujourd'hui avec beaucoup moins de pluie, même si la grisaille va encore dominer quasiment partout. On aura quand même du soleil qui va revenir au fil des heures dans la moitié sud. Et puis en Bretagne, demain samedi, la pluie s'invitera partout, mais de manière mesurée, sauf sur le long du littoral atlantique, alors que ça ira mieux dimanche, même si on aura quelques averses localisées en Île-de-France, sur le centre et sur les Alpes. Les températures ce matin, comprises dans le nord entre 10 et 13 degrés, 12 à Lille et 13 à Paris, de 12 à 16 dans le sud, 13 à Lyon et 16 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 15 au Havre, 16 à Cherbourg, 17 à Lille, 18 à Paris, 19 à Tours, 20 à Nantes, 22 à Marseille et à Lyon, 23 à Strasbourg, 25 à Tarbes et 27 du côté de Mont-de-Marsan. Et puis la pollution, c'est pas trop mal, les indices sont compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Valenciennes, Metz, Nîmes et Perpignan. Et toute l'actu, tout le sport, c'est parti sur Sky. C'est aujourd'hui que la Seine devrait atteindre son plus haut niveau à Paris pendant cet épisode de crue version 2016. 6 mètres, c'est assez impressionnant. Record battu de 1982. Les voies sur berge sont totalement inondées. Les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés pour évacuer les œuvres en réserve. La portion du RERC qui passe dans la capitale est suspendue depuis hier 16h et au moins jusqu'à lundi. L'indice entre Paris et Orléans dans les deux sens reste impraticable. Un cavalier de 74 ans est mort en Seine-et-Marne. Il a voulu traverser un champ inondé, mais son cheval a chuté. 20 000 personnes ont été évacuées depuis le début de la semaine. Les pompiers sont intervenus 16 000 fois et 19 000 foyers sont encore ce matin privés de courant. François Hollande a affirmé hier que l'état de catastrophe naturelle sera décrété dès le prochain Conseil des ministres mercredi. Manuel Valls se rendra dès aujourd'hui dans l'Essonne, notamment à Longjumeau où les dégâts sont très importants. La guerre des nerfs qui continue entre le gouvernement et les opposants à la loi travail à 7 jours de l'euro. Le gouvernement reste ferme. Manuel Valls a répété hier que le texte ne sera pas modifié. La tension reste palpable et des affrontements ont éclaté hier à Rennes. 5 manifestants ont fini aux urgences après avoir reçu des coups de matraque. Des journalistes auraient également reçu des coups. Le défenseur des droits va être saisi. Sur le plan des grèves, eh bien, ça continue à la SNCF. Troisième jour de mobilisation avec des perturbations. Alors que le week-end commence dans quelques heures. Prévision identique à celle d'hier avec 40% des transiliens et des RER. Un tiers des intercités, la moitié des TER et 6 TGV sur 10. En ce qui concerne les raffineries, la direction de Total souhaite démarrer celle de Donges en Loire-Atlantique. Une assemblée générale des salariés est prévue aujourd'hui. Enfin, vous devez savoir que les syndicats d'Air France ont voté une grève du 11 au 14 juin. Ça risque d'être compliqué puisque c'est le premier week-end de l'euro. Un cadeau d'un milliard d'euros. François Hollande a fait un geste hier au congrès de l'Association des maires de France. Les élus qui se disent asphyxiés demandent l'arrêt des baisses de dotation. Le président n'efface pas l'ardoise mais la réduit de moitié pour l'année prochaine. L'accueil a tout de même été glacial. Le chef de l'État et les maires ont été un petit peu bruyants pendant son discours. Et les confessions d'Olivier Giroud, on parle football, on parle équipe de France, on parle l'Euro, c'est dans une semaine. Ouais, la cote de l'avant-centre des Bleus est fragile, il l'a vu d'ailleurs après le match contre le Cameroun à Nantes où il a été sifflé, des réactions qu'il ne comprend pas mais qui ne l'empêchent pas de dormir. Il estime qu'il a quand même fait une bonne saison, hein, qu'il paye probablement l'absence de Benzema. Le joueur ajoute en avoir parlé avec Gignac, son pote, qui sait aussi qu'il va être ciblé par ce genre de petites attaques, petits contre-temps. Pour Giroud, l'objectif est clair, endosser le costume de titulaire en attaque des Bleus. Merci Rémi. Et dans une heure, vos places de foot pour un match de l'équipe de France, c'est l'Euro à gagner sur Skyrock. Préparez-vous. Ouais. Il est 6h36 sur Sky. 6h-9h. C'est parti pour le Morning de Difool. Difool, the morning show. Le Morning de Difool. C'est tout de suite sur Skyrock. Mais oui, c'est tout de suite et avec vos places de foot. Mais avant ça, on aura plein de choses à faire ensemble. Déjà, vous offrez 1 500 € dans une demi-heure. Bisous, Nathalie. Elle a gagné à Nîmes hier matin. On la salue. Elle se réveille avec Skyrock tous les matins. Gros bibi. Et elle mérite ses 1 500 € comme vous. J'espère que vous allez gagner dans une demi-heure, 1 500 euros. À 6h45, autrement dit dans 10 minutes, notre horoscope de l'amour, la révélation sur Skyrock. Vous saurez tout. Ouais. Et là on va parler week-end parce qu'on est quand même vendredi. Alors quelques petites idées pour le week-end, des trucs à faire. Si vous avez ça, vous nous laissez vos messages sur le 41 759 et sur l'appli Skyrock. Et on va notamment parler de ce que vous allez faire demain soir, parce que demain soir il y a France-Écosse. Et oui. Bah ouais. Et ça, c'est le dernier match de préparation. Match de préparation. C'est le tout dernier à Metz. Bon, au stade Saint-Symphorien. Bah déjà, moi demain soir, je regarde France-Écosse. Ah c'est sûr. Je vais aller voir les Bleus. Et avec ta tendinite. Bah, je regarde devant ma télé, Roman. C'est jamais, tu sais. Je sais. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour vos messages à propos de ma tendinite. Et d'ailleurs, Méziane qui vient de nous envoyer un message du 94 et qui dit Difool, tu ne te plains pas, c'est bizarre, ta pauvre épaule. Et oui, je ne me plains pas parce que. Je suis courageux. Et ouais. Fort. Alors, je cherchais pourquoi. Oui. Et fort. Si tu veux, Méziane, on peut laisser les micros allumés quand on passe des musiques et tout. Tu verras s'il se plaint pas. Et puis parce que je suis complètement shooté avec des médocs, c'est super. Donc la matinée, il peut se passer n'importe quoi, encore pire que d'habitude. Vous allez voir. Ah bah tiens, il y a Momo de la gare. Lui, il a prévu un truc pour ce week-end. Ce week-end, dîner en amoureux avec ma femme pour nos 5 ans de mariage et dimanche. Oh, espèce de salaud. Plage s'il fait beau. Ah. Bah, révision et match de foot de samedi soir. Sinon, c'est tout. Ah ouais, c'est pas beaucoup. C'est Lucas Lux qui nous laisse un message. Crevette, lui, il va graffer ce week-end. Super, crevette. Dame, c'est à la pêche. Ah bah tiens, comme quoi on peut tout faire. À la carpe. Et alors, attention, Tom le Fou, ça c'est super. Ce week-end, je fais du bâton en Île-de-France. Bah, tu vas bien, ouais. Tu peux. Hein. Mais bien sûr que mais tu peux. Mais vous avez pas vu là, à Nemours, là, dans la banlieue parisienne, il y a un mec qui a fait du jet ski dans la rue. Je sais plus dans quelle ville, il y a aussi un mec qui a fait du ski nautique. Ouais, j'ai vu ça, le ski nautique. Eh bien, autant allier l'utile au désagréable. Il y a des inondations. Ah, tu t'abuses avec. Bon, dites-nous ce que vous faites ce week-end. Et dans un instant, nous on va aller faire un tour à Metz. Les ouais. Écossais débarquent en France. On met nos jupes et on va voir lors d'un petit French test si les Français sont accueillants. Est-ce que je pourrais jouer de la cornemuse? Si tu veux, Romano, tu pourras jouer de la cornemuse. C'est leur bordel là, avec l'espèce d'estomac avec tous les tuyaux qui sortent là. Tu sais que Cédric me demandait que tu enlèves ton slip sous ta jupe. Parce que les Écossais, ils n'ont pas de slip. Ouais, sous la jupe. Moi je vais jouer de la cornemuse du coup. Oh là, je vais te souffler dans le bignou. Non. Je vais te souffler dans le bignou, gros bateau. Je jure que non. Ouais, mais c'est pas le même bignou, tu te trompes. Justement, c'est pour ça. Allez, direction Metz, direction l'Écosse, et puis direction surtout ce que vous faites ce week-end. On en reparle tout de suite sur Skyrock. Hashtag Morning de Difool, si vous voulez nous laisser des messages. Le 41759, l'appli Skyrock. Tout fonctionne. Oui, tout fonctionne. Et on déchire tout, toute la matinée à 6h39. C'est Florida qui vient nous réveiller, nous tire du lit. Et on file dans sa maison. Allez, c'est ma house. En direct de la part. C'est le Morning de Difool sur Skyrock. The Morning Show. 6h-9h tous les matins. Champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my. Shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. It's my house. It's my house sur Skyrock. C'était Florida. Bonne journée. On est vendredi. On est le 3 juin. Il est 6h42. Et on parle week-end. Alors, ce week-end, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est très bonne idée pour tous ceux qui habitent en Ile-de-France, qui habitent là où il y a un petit peu d'eau. Le bateau. Il y en a plusieurs qui nous ont laissé des messages. J'en ai lu un, mais j'avais pas vu. Il y a plein qui ont eu cette bonne idée. Eh ouais, le bateau. Ouais. Du bateau, de la barque, de la plongée sous-marine, on nous disait dans le 77. Avec la nage. Ouais, s'il y a un peu de vent, tu peux même faire de la planche à voile. Hein. Magnifique, la planche à voile. Bah ouais. Et bon courage à vous. Vous aurez toutes les nouvelles sur la météo de ce week-end dans, allez, 20 minutes avec Rémi. On va aller faire un peu de kayak. Voilà, on l'entend. J'ai vu que vous avez pas vu à la télé là le club de kayak de Nemours. Oui. En fait, c'est eux qui vont chercher tous les gens dans la ville. Il y a le club de kayak, ils sont tous mobilisés, ils partent avec des kayaks, ils vont sauver les gens chez eux. C'est bien, alors voilà. C'est bien, c'est la solidarité. C'est ce que j'allais dire, on voit la solidarité. Dans les moments difficiles, c'est beau. C'est le mec qui était trop fier. Ouais, je suis le président du club de kayak. Je vais sauver les gens. Vous montez dans le kayak, je rame. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end? Alan du 70, lui, il a prévu d'aller voir le match de foot à Metz avec sa femme France-Écosse. Et il nous dit, allez les bleus. Et qu'est-ce que vous nous dites d'autre, Titi? Je vais regarder le match avec des potes en mode barbecue. Bah, tu nous écris du sud de la France, toi, j'imagine. Mais bon, avec le temps pourri. Ah non, tu nous écris pas du sud de la France. Barbecue sous la pluie, c'est original, c'est pas mal. Tiens, James, il va à Saint-Symphorien, à Metz. Il est d'origine écossaise. Et donc, je vais me bourrer la gueule. Ils boivent, les Écossais? Ah bah oui. Ah ouais, ça boit, les Écossais. Déjà, pour se mettre à poil avec une jupe, déjà, faut quand même pas être sobre. C'est clair. Déjà, à la base, tu te dis, ouais, c'est quand même étrange, quoi. Tiens, Olivia nous dit, moi aussi, je porte des jupes, mais tout le monde s'en fout parce que je suis une fille. Ah bah oui. Oh, au contraire. Bah, c'est plus surprenant sur un mec. Mets ta jupe. J'aime pas le foot, je vais regarder le plus grand cabaret du monde. LOL, mort de rire, je déconne. Ah ouais, monsieur, ça c'est. C'est Fredo qui nous envoie le message. Oh, c'est génial. Et Sam, il va réviser tout le week-end, il devra annuler tous les examens. Sinon, ma femme accouche ce week-end. Oh, c'est mignon ça, c'est François qui nous envoie ça. Mmh. Salut François. Ah bah oui. Très bien. Bon. Bah avec Cariole, nous on devait partir en week-end. Ah, je crois que Cariole, elle a accouché ce week-end. Non. Ça se verrait, je crois. Ah putain. Bah du coup, on devait aller fêter un anniversaire. À Provins là. Ouais. Et puis avec toutes les inondations, bon, on peut pas y aller, tout est annulé. Provins 77 en plein dans les inondations. Ouais, on fait le point dans un quart d'heure. Là, on va à Metz et on va tester l'hospitalité des Français ce matin direction la ville de Metz qui accueille le match de l'équipe de France de foot. Direction les familles de Metz. J'ai un Écossais à vous présenter dans un instant. Hello. C'est Mr. Cornemuse qui arrive. Ah yes, Mr. Cornemuse. Oui, Mr. Cornemuse. J'ai mis ma jupe. Le French Test sur Skyrock. T'as mis un slip dessous? Eh non, je n'ai rien mis du tout. Wow. Voilà. Elle, qui c'est ce monsieur? Voilà, c'est Cédric. Ah, hello. Oui. On dirait un pudding. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, je suis organisateur de voyage. Et vous savez qu'il y a l'équipe d'Écosse qui vient jouer ce week-end. Et moi, je suis avec des Écossais qui viennent voir le match. Ah, yeah, hello. Vous voulez dire bonjour? Hello. C'est Mr. Cornemuse. Je suis Mr. Cornemuse, je parle un tout petit peu français. Et le camembert. Voilà, camembert. Mais à Metz, c'est pas trop le truc du camembert. Il y a pas de camembert. Pas vraiment, non. Non, pas trop, non. c'est la Mirabelle. La Mirabelle. Ça se boit, la Mirabelle? Tu peux le boire, ouais. Oh yes. Oh yes. On voulait savoir si on pouvait venir faire un petit tour chez vous, histoire de présenter à Monsieur Cornemuse, la des Français, pour lui montrer comment on sait accueillir les gens et comment on est accueillant en Lorraine. Ah ouais, c'est une bonne idée, ouais. Bah écoutez, je vous le passe tout de suite. Il sort sa cornemuse. Hello. Et il arrive. Hello, monsieur. Oui, bonjour Monsieur Cornemuse. Yes, je suis Monsieur Cornemuse, je viens d'Écosse. Je suis à poil sous mon kilt. Et pour fêter ça, je voudrais te jouer un petit air de Cornemuse. Alors attention, il souffle dans son bignou. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est ignoble, cet instrument. tu fermes ta gueule, c'est bon. Tu veux que je te mette un coup de bignou sur la gueule? Non, mais c'est de la cornemuse. Ça. Ah, c'est de la cornemuse. Monsieur? Oui? I come in your house this morning. Oui, avec grand plaisir. Vous pouvez... With pleasure. With pleasure, a lot of pleasure. Ah, on nous disait que les Lorrains étaient accueillants. Sors la Mirabelle et un camembert. Voilà, tu sors une... Oula. Mirabelle, camembert, cornemuse, je pense que t'as un réveil de folie pour toi. Je suis impatient. I like that. Il arrive, monsieur. The Mirabelle. Tu fais quoi ce week-end, toi? Tu regardes le match de foot? Tu vas voir le match? Tu fais quoi? je me repose. Le foot, c'est pas mon truc. Ouais, puis en plus, il y a des gens comme ça qui t'appellent à 6h46, qui t'empêchent de faire la grasse mat le vendredi matin. Ouais. Excuse me, je vais soulever la jupe et te montrer mes bijoux de famille. Oh, your family jewels. Oh, yeah. Je vais te montrer le service trois pièces. Deux boules, un tube. Et le cornemuse, faut pas souffler dans le tube. Hein. Ah, tu faudra pas se tromper de biniou. Eh bien, en tout cas, on te remercie, t'es sympa, toi, en tout cas. Tu nous as fait réussir ton notre French test. Ah, je voudrais boire de la Miranelle. Tu vas aller voir monsieur, là. Et viens avec nous, le monsieur Pudding. Non, ouais. Il vient pas. Cédric, on a besoin de toi au standard. Ah, d'accord. Ah, il vient pas, le tueur de Pudding. Bonne journée à toi, salut. Bye. Big kisses from Ecos. Très bien. Eh, hey, il était sympa, lui. Très sympa. Ah, je vais aller là-bas, Cornemuse. Comment? Je vais aller là-bas jouer Cornemuse. Très bien. Super. Elle est très vilaine, votre copain là. C'est Pudding. Pudding est très vilain. Ouais, c'est ça. Dans, Ugly Boy. Dans une minute sur Skyrock, l'horoscope de l'amour et le sondage du jour. Il arrive, préparez-vous. Il est 6h47 et n'oubliez pas vos places de foot tout à l'heure. C'est à 7h30 pour un match des Bleus. Le nouvel album de DJ Case est déjà disponible avec Gradure, Franco, Mister You, Screech et aussi Caris, Keina Samet, Souf, MRC et la participation des Dégains. DJ Case à écouter dès maintenant sur Apple Music. En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidé à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. C'est génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non. J'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah bah ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédits. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Il est 6h49 sur Skyrock. Dans un instant, on retrouve le sondage du jour, mais d'abord l'horoscope du jour, l'horoscope de l'amour. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce vendredi 3 juin sur Skyrock. Et on commence par les taureaux et les poissons. Puissance amoureuse à zéro pour vous aujourd'hui. Ah, super. On aura du mal à vous décrypter. Bah, abonnez-vous à Canal+. Bon, n'hésitez pas à annoncer clairement ce que vous voulez, ça facilitera les choses. Soyez clair aujourd'hui avec les gens que vous aimez, taureaux, poissons. Oui. 1 sur 5, les capricornes et les vierges. Vous aurez tendance à en faire un peu trop aujourd'hui en amour. Et vous avez une tendinite. Non, les capricornes. C'est ça. Bon, à part ça, bon, ça pourrait être pire, hein, les capricornes et les vierges. Ça pourrait être mieux aussi, c'est 1 sur 5. 2 sur 5, les balances et les béliers, en travail ou en amour, c'est une journée de négociation qui vous attend aujourd'hui. Il faudra vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Travail, amour, bahut. Dans tous les domaines, on se bat aujourd'hui, les balances, les béliers. 3 sur 5, les gémeaux et les scorpions. Une journée très sympa pour vous, ambiance détendue. Et en amour, restez le plus naturel possible, on vous aime comme vous êtes. 4 sur 5, les cancers et les sagittaires. Vous serez de bons conseils aujourd'hui, vous saurez profiter de votre statut de bons conseilleurs et de bonnes conseilleuses pour séduire plus facilement. Et 5 sur 5, les Verseaux et les Lions. Ah, enfin! Une semaine qui se termine en apothéose pour vous. Vous aurez toujours une longueur d'avance sur les autres. Eh ouais, ça c'est bien ça. Et ça c'est magnifique. Ah ouais, c'est beau. Allez, 6h50, le son de Rihanna et Calvin Harris, si on en parlait tout à l'heure. This is what you came for. Exactly, this is what you came for, c'est sur Skyrock. Tous les matins. Morning show. Hi, this is Rihanna and I'm on Skyrock. Le morning de Difool, 6h-9h sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Bientôt en concert avec Skyrock au mois de juillet, elle sera dans les grands stades de France et vous serez aussi dans les grands stades de France. Il y aura bientôt encore des places pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock. Ouais. Tenez-vous prêts. Et les stades sont à nous, hein, pendant tout le mois de juin puisqu'on vous offre l'euro dans trois quarts d'heure, même pas. Ouais. À gagner sur Skyrock dans 35 minutes même puisqu'on jouera à 7h30. Allez les bleus. Tout à l'heure sur Skyrock. Voici le sondage du jour. Tous les matins, un petit sondage, une petite compile aujourd'hui. C'est sondage et on va d'ailleurs vous faire participer puisque vous allez pouvoir nous aider à vérifier le sondage au 41759. Et sur l'appli Skyrock. On va faire deux catégories d'auditeurs et d'auditrices. Vous placez dans une des deux catégories et vous allez donner une note en dessus ou en dessous de la moyenne à vos profs. Donc si vous avez encore des profs, vous mettez dans la première catégorie, j'ai des profs et je leur mets telle note. Et si vous avez eu des profs comme nous, parce qu'on ne va plus à l'école, ça s'entend. Non, on a arrêté. On a arrêté peut-être un peu trop tôt. Vous faites la même chose, mais vous êtes dans la catégorie 2 de ceux qui se souviennent du bahut et qui notent leurs profs, mais avec un petit peu de recul. Parce que les résultats du sondage, vous allez voir, ne sont pas les mêmes. Selon qu'on est au bahut ou qu'on n'y est plus. Alors, quelle note vous mettez à vos profs? Est-ce que c'est au-dessus ou en dessous de la moyenne? Romano, tes profs, les bons souvenirs. Tu sais ton prof Biglouche, comment il s'appelait? Œil de verre. Œil de lynx. T'as confondu avec quelqu'un d'autre. Yavol. Est-ce que tu mets une note supérieure à la moyenne à tes profs que t'avais à l'époque ou pas? Ouais, allez, dans l'ensemble, bon, ouais, je vais mettre 12. Donc une note supérieure à la moyenne. Carriole. 13. Ouais, supérieur. 9. En dessous, toi? Ouais, je les voyais jamais. T'es un salaud. Ah oui, il y allait pas. J'y allais pas. Mais c'est pas leur faute, Cédric, c'est à toi qu'il faut mettre 9. Karim. Bon, je leur donne 7 comme ce qu'ils me mettaient. La même chose. Allez, vengeance. Alors, je vous donne les résultats. On demande pas Rémi, il a pas été à l'école. Non. Les résultats sur tous les Français avant de regarder les résultats que vous nous laissez sur le 41-759. On en parlera juste après le son de Major Lazer qui arrive dans un instant. Et Niki, ouais, c'est tous les profs. Hein. Tous les profs, tu fais une moyenne sur tous tes profs. Ouais. Ce qui était sympa, moi, sympa et tu fais une moyenne avec ça. Donc vous notez vos profs et puis si vous en avez un petit peu particulier, vous pouvez nous dire aussi. Alors pour ceux qui sont pas au bahut, qui y étaient, donc tous ceux qui ont quitté le bahut pour rentrer dans la vie active, ils ont une bonne image de leur prof à 63%, une mauvaise à 37%. Donc là, c'est bien, c'est au-dessus de la moyenne. Ouais. Et quand on regarde ceux qui sont au bahut aujourd'hui, donc collège, lycée, etc., etc., là, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est 40% qui donnent une bonne note à leur prof au-dessus de la moyenne et 60% qui en donnent une mauvaise. Ouais. C'est bizarre, dites donc. Hein. Vous avez vu le sondage? Quand tu les apprécies moins qu'avec du recul. C'est vrai. Texte 19, lui, il a quitté le bahut. Oui. Je leur mets 13 parce qu'ils sont balèzes de m'avoir supporté. Ouais. Moi je mets 16 pour mes profs. Ah ouais, mais toi aussi t'es plus au bahut. C'est Mixomatose, très beau pseudo, qui nous laisse le message. Je suis plus à l'école, mais je leur mets 7 sur 20, à peu près les notes qu'ils te donnaient à l'époque pour crevette sur SMS. Je suis au bahut, je mets 9, le nez de Difool. Il y a Scélérat. Oh, 4, je suis en terminale cette année, c'est vraiment tous des cons. Bonjour à tes profs. Elle est pas contente, Scélérat. Bon, on vous donne le résultat sur les auditeurs de Sky, donc les votes que vous nous laissez actuellement là. Dans un instant, le temps de se réveiller avec Major les heures, comme promis. Et puis j'ai ma petite enveloppe là, on se prépare. L'enveloppe avec les 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Jean-Paul ? Incroyable ! Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ben, je suis là. Chez Volkswagen ? Oui, depuis 15 jours. Ben, t'étais pas prof de maths ? Si, enfin... Mais tu fais quoi chez Volkswagen ? Ben, comme toi, j'hésite. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen.

dans l'Essonne et dans le Loiret, c'est rouge en Seine-et-Marne et orange pour les autres départements d'Île-de-France et pour quasiment tous les départements du centre. Côté ciel, ça se calme aujourd'hui avec beaucoup moins de pluie, même si la grisaille va encore dominer quasiment partout. Le soleil va revenir au fil des heures dans la moitié sud et en Bretagne. Demain samedi, la pluie s'invitera partout, mais de manière mesurée, sauf le long du littoral atlantique, alors que ça ira mieux dimanche, même si on aura quelques averses localisées en Île-de-France, sur le centre et sur les Alpes. Les températures ce matin, 10 degrés à Chartres, 11 à Nancy et à Poitiers, 12 à Lille et à Limoges, 13 à Dizon et à Paris, 14 à Carcassonne. Il fait 13 à Dizon et vous avez vu, il fait pas mal aussi à Limoges. Je crois que tu as un problème avec ta langue. J'ai l'impression qu'elle sort un peu de ta bouche. Bon alors, Rémi, t'as la fille des infos. Ouais, 14 à Carcassonne, 15 à Toulon et 16 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 16 à Saint-Brieuc, 17 à Lille, 18 à Laval et à Paris, 19 à Angers, 21 à Lorient, 22 à Marseille et à Lyon, 23 à Biarritz, 25 à Montauban et 26 à Nîmes. La pollution, c'est pas trop mal. Les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Valenciennes, Metz, Nîmes et Perpignan. Et les infos maintenant. Ah oui, les infos. Et le sport. On parlera du PSV parce que ça va bouser au PSV. Et Paris qui patauge. C'est la une du Parisien ce matin. La Seine devrait atteindre son plus haut niveau pendant cet épisode de crue version 2016. 6 mètres, pas mal. Assez impressionnant. Proche du record de 1982. Les voies sur berge sont totalement inondées. Les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés pour évacuer les œuvres en réserve. La portion du RERC qui passe dans la capitale est suspendue depuis hier 16h et au moins jusqu'à lundi. La 10 entre Paris et Orléans dans les deux sens reste impraticable. Un cavalier de 74 ans est mort hier en Seine-et-Marne. Il a voulu traverser un champ inondé mais son cheval est tombé. 20 000 personnes ont été évacuées depuis le début de la semaine. 19 000 foyers sont toujours privés de courant ce matin. Les grèves qui se poursuivent à la SNCF, 33e jour de mobilisation avec des perturbations alors que le week-end commence dans quelques heures. Prévision identique à celle d'hier. 40% des transiliens, un tiers des intercités, la moitié des TER et 6 TGV sur 10. En ce qui concerne les raffineries, la direction de Total souhaite redémarrer celle de Donges en Loire-Atlantique. Une assemblée générale des salariés est prévue aujourd'hui. Enfin, vous devez savoir que les syndicats d'Air France ont voté une grève du 11 au 14 juin. Ça risque d'être compliqué puisque c'est le premier week-end de l'euro. Les premières plaintes déposées contre Denis Baupin, trois femmes ont décidé de porter leur affaire devant la justice. Le député et conjoint de la ministre du Logement, Emmanuel Cosse, est accusé d'agression et d'harcèlement sexuel. Une enquête avait déjà été ouverte par le parquet après la révélation du scandale. À ce stade, 13 femmes se sont dites victimes de Denis Baupin. Et on fait le point sur le sport, le foot et des changements en prévision au PSG. Ouais, changement radical. Hein. C'est le boss Nasser Al-Khelaifi qui l'annonce aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Contrairement à ce qui a été dit, le grand patron dresse un bilan négatif de cette saison. Il estime que le pire moment depuis son arrivée à Paris, ça a été lors de l'élimination de la Champions League. Il poursuit avec un constat sans appel. Si on continue comme ça, on ne va pas y arriver. Chacun se fera son avis, mais certains qui lisent entre les lignes s'interrogent déjà sur le futur de Laurent Blanc. Pas d'annonce pour l'instant, mais le coach pourrait être le grand absent du projet du PSG nouvelle version. Et puis on reste dans l'univers du PSG puisqu'on parlera à 7h30 dans les infos de Cavani. Restera ou restera pas, l'Uruguayen a les cartes en main. Du tennis avec la suite de Roland-Garros, ça va s'enchaîner sur les courts parisiens. Aujourd'hui, on joue toutes les demi-finales, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, histoire de rattraper le retard. Novak Djokovic affronte Dominic Thiem. Serena Williams sera opposée à Kiki Bertens. Kiki, merci pour les infos. On te retrouve tout à l'heure à 7h30 sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est enfin vendredi. Et c'est le morning de Difool. The morning show! En direct sur Skyrock. Mais ouais, on est en direct tous les matins. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez réagir, vous pouvez débarquer ici et faire les cons avec nous. Et on fait également des trucs utiles. Dans un instant, les conseils pas chers arrivent. Les conseils pas chers que vous allez retrouver avec le roi des conseils pas chers, le roi de vos économies. Oui, c'est moi. Et ce matin, je vais devenir médecin. C'est moi. Et ce matin, tu deviens médecin. Je deviens ophtalmo. Oui. Alors, ophtalmo, pourquoi? Parce qu'on va parler du temps qu'on passe devant les écrans tous les jours. Pas bon pour les yeux. Ah non, pas bon. Et donc, ophtalmo, c'est un bon métier, un bon filon pour faire de l'argent. Et ça ne t'a pas échappé, Romano. Hein. Voilà, ophtalmo, c'est le médecin des yeux. C'est ça, des yeux, ouais. Bien joué, Cédric. Donc, combien de temps tu vas vous passer devant l'écran de votre téléphone, l'écran d'une tablette, et puis l'écran de télé aussi, parce que ça existe encore. L'écran d'ordinateur aussi. Ouais. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La semaine prochaine, on vous offrira des écrans géants. Ouais. Votre télé a gagné la semaine prochaine pour regarder tous les matchs de foot que vous voulez et même tout ce que vous voulez. Ce sera dans le morning dès lundi. Je ferme la parenthèse. La parenthèse est bien fermée. Je prépare les places de foot tout à l'heure pour dans une demi-heure. On vous offre un match de l'équipe de France. Attention. Et là, j'ai l'enveloppe des 1500 euros. Alors, Romano, je peux pas l'ouvrir puisque je vous le rappelle. Ah, bah tiens. Et je vous l'annonce si vous n'étiez pas là hier soir. Et puis, c'est vrai que je l'ai pas trop dit en plus. Non, tu nous as pas du tout. Et si vous venez de vous réveiller, j'ai une tendinite à l'épaule gauche. Ouais. Ce qui fait que je suis complètement paralysé. Bah, j'ai même une espèce de truc pour me tenir le bras. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'une main. Une attelle. C'est ça, j'ai. Ouais, genre d'attel, oui. Je souffre le martyr. Ah, bah ça, on imagine bien. Bah, dis-moi. Tu as peut-être trouvé ouvert d'enveloppe des 1500 euros. C'est peut-être ça. Tu as peut-être fait une tendinite. Je souffre, mais en silence. Parce que je suis comme ça. Oui, oui, oui. Alors, j'ai l'enveloppe. Pas confiance, hein, Romano. Ouais, vas-y, Romano. Alors, je vais vous ouvrir l'enveloppe des 1500 euros. Le jeu des 1500 euros. C'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. On va voir où on va aller pour vous offrir de l'argent avant d'en venir à nos écrans là et avant d'écouter l'idée que t'as eue, Romano, pour les conseils pas chers. Alors attention, j'ai bien ouvert l'enveloppe. Ça y est, j'ai ouvert l'enveloppe. Ah bah tiens, on va vers chez toi dans le 42. Ah, ah. Magnifique. Dans le 42 à Roanne. Bah. Et à Roanne, attention, nous appelons Antoinette Mourlon. Eh bien, nous allons donc chez les Mourlons ce matin. Pour les 1500 euros. Hein. Antoinette. Antoinette est demandée pour gagner un beau chèque de 1500 euros. Bonne chance, Antoinette. Antoinette de Roanne. Oui. 5 sonneries pour Antoinette. Il faut répondre avant la 5e. C'est bon, elle a répondu. Allô, allô. Antoinette. Antoinette. Madame Murmurlon. Mourlon. Mourlon. Mourlon. Madame Mourlon. Madame Mourlon. Antoinette Mourlon. Antoinette. Elle est sourde comme un peu, elle peut pas écouter Skyrock, c'est bien dommage. Ah, c'est vrai, on devrait pouvoir créer un jeu pour les sourds. Antoinette. C'est vrai. Mais non, mais je veux dire, Romano, elle est complètement bouchée. Elle est bouchée, Antoinette. Antoinette. Ah. Ah, il est en train de gueuler derrière. Non, mais c'est pas Antoinette, c'est une voix d'homme. C'est Antoinette. Marie, je pense. J'espère pour elle. J'espère, oui. J'espère aussi. Eh bien, on était chez les. Je sais pas pourquoi ils ont un téléphone. Mais c'est... ils ont peut-être pas compris le fonctionnement. Ouais. On va leur envoyer une notice, les 1500 euros, ça leur sert à rien. Une petite notice chez les. T'as le mec qui est en train de cracher ses poumons. Bon, désolé pour les Mourlons. Vous connaissez les Mourlons, vous leur dites, on les a appelés ce matin sur Skyrock et accessoirement, vous leur expliquez comment ça marche un téléphone. Oui, parlez fort a priori pour leur communiquer avec eux. Salut Mourlon. Salut Antoinette. Et dans moins d'une heure, on vous offre 1500 euros. C'est pour vous, c'est sur Sky. Encore 1500 euros à gagner. J'espère que vous parlerez. Ouais. Et que vous répondrez Skyrock. Ouais. Tout simplement. Ouais, Skyrock, c'est 1500 euros dans la poche. Et là, c'est Major Lazer avant les conseils pas chers. Le morning de Difool sur Skyrock. Les shows. Premier sur le cash. Ah, premier sur le cash et les conseils pas chers arrivent. Ah bah plein de cash et à 7h20 encore du cash à gagner. Bah alors décidément quelle matinée. C'est la folie, l'argent coule à flot. Et c'est la hip-hop sur Skyrock. sur Skyrock. Major Lazer à 7h12 dans un instant MHD qu'on va retrouver. C'est pour Afrotrap, c'est bien, ça embombe bien le matin ça. Afrotrap partie 5. Et ouais, vous êtes dans le morning. Bah, bah, bah, bah. C'est l'heure des conseils pas chers. Et ouais, des économies à faire, c'est tous les matins, de super idées. Et ben là, de l'argent à gagner surtout. Ouais. Avec, les gens qui regardent de plus en plus des écrans. Ouais, des écrans général, que ce soit l'écran du téléphone, l'écran d'une tablette, l'écran de la télé. De l'ordi. Oui. En moyenne, 4 heures par jour, deux fois plus qu'il y a un an. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais, ça y va, ouais. Ça, c'est sur tous les Français. Il y a un sondage qui a été fait sur les actifs, c'est-à-dire sur ceux qui bossent et sur les étudiants. Ouais. Donc, tous ceux qui se lèvent le matin en écoutant Skyrock. Qu'est-ce que ça donne, ce sondage? Combien de temps on passe sur son téléphone quand on est actif ou étudiant en France? On enlève donc les retraités. Eh ben, c'est 3h46 minutes. Eh ouais, quand même, sur son c'est téléphone. Beaucoup, hein. Eh ouais. Ben ouais, mais regarde, moi, j'ai ton œil. C'est vrai qu'on passe notre vie dessus, ouais. Si j'ai ton œil de temps à autre, tout ça. Ouais, ça va. Ouais, donc, ouais, tu cumules sur la journée, ouais, tu dois arriver à ça, hein. Bah, nous, déjà, on est au moins à 6 heures par jour, puisque avec les messages que vous nous envoyez, le nombre d'écrans qu'on a dans le studio, ah j'ai ouais, compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, c'est vrai, il y a des écrans, j'avais pas vu. Regardez, dans le studio, il y a 11 écrans, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 téléphones, plus 1, 2, 3 tablettes. Et 2 télé. On a pratiquement une vingtaine d'écrans. Ouais. C'est vrai qu'on vit autour. Ah ouais. Bah, la télé, 1h35 par jour. Mmh. L'écran d'ordinateur, 3h08 minutes. Oui. Alors, il y en a quand même, qui lisent des journaux. Ah ouais. Bon, c'est 1h20 par jour et 54 minutes à regarder l'écran d'une tablette. Eh bien, écoutez, ça fait beaucoup tout ça. Ça fait beaucoup, et le problème qu'il y a, c'est que de plus en plus de personnes à cause des écrans d'ordinateur ont des problèmes au niveau des yeux. Eh bien justement, c'est Roman Ophtalmo qui arrive ce matin. Exactement, j'arrive chez les familles et je vais leur faire le contrôle, je vais leur faire lire les lettres, la Z, U et compagnie là. Très bien. Ah ouais. Et je leur facture bien sûr la consultation. Hein. C'est parti, Roman Ophtalmo débarque chez les familles de France à 7h14 sur Sky. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Je crois que c'était pardon. Les conseils pas chers sur Skyrock. Ouais, ah bah allez, c'est parti, Roman Ophtalmo en action. Roman Ophtalmo, ça te va on bien va chez ça. Julien. Non, mais en plus, les gens devraient être contents parce que pour avoir un rendez-vous chez l'Ophtalmo, c'est 6 mois à 1 an suivant les régions. Ouais. Est-ce que vous avez les yeux fatigués? Tiens, dites-nous. Bah, moi j'ai des yeux à lunettes, moi. Ah bah, ça c'est bien pratique d'avoir des yeux à lunettes. Mais tu sais que je pense que c'est à cause de l'ordi. Bah, ça fatigue. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la femme de Julien. C'est la femme de Julien? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que Julien serait dans le coin? C'est monsieur Lapince du cabinet d'ophtalmologie, Roman Ophtalmo. Bon, je vous passe. Merci bien. Parce que je vais venir lui contrôler les yeux ce matin-là. Allô? Ouais, Julien? Oui. Oui, bonjour monsieur Lapince à l'appareil. Je suis ophtalmologiste. Et je travaille pour le cabinet Roman Ophtalmo. Il faudrait que je vienne contrôler vos yeux ce matin-là. Vous contrôlez vos yeux, c'est pas des conneries que vous racontez là. Ah non non, je vais t'écarter les yeux, je vais regarder dedans. Ouais, ça va, ouais. Ouais, ouais, je vais faire la même chose à ta femme, je lui écarte que les yeux, pas autre chose. Ouais. Est-ce que je peux passer dans 5-10 minutes? Ouais. Bon, allô. Ah merde, putain, j'ai pas le temps d'annoncer il le prix a dit par oui. contre. Non, oui, il a dit oui, mais bon, moi je voulais annoncer le tarot. Combien tu fais payer? C'est 100 euros. Ah quand même. La consultation. Juste, ah pour, ouais. juste pour lire des lettres. Pour écarter les yeux aussi. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. 100 euros par œil. C'est vrai, ça c'est pas mal. J'espère qu'ils en ont tous deux. Si on peut tomber sur quelqu'un qui en a même trois, ça serait super. Ah ouais, ça serait le top. Ouais. Ça serait le top. Bon, un client, un. Bon, c'est vrai, tu l'as pas annoncé le prix, mais bon, on peut dire que tu, ah non, mais c'est, tu as réussi, donc on oui, sera bah oui, cher. Oui. Là, on en a peut-être un autre qui arrive d'ici quelques secondes. Ouais, c'est Robert. C'est Robert. Allô Robert. Robert. Lui, là, c'est voilà. pas, lui, c'est pas un ophtalmo qu'il faut, lui, c'est un mec pour les oreilles. Ouais, un ORL. C'est ça. Voilà, un ORL, c'est pour les yeux. Non, c'est pour les oreilles et la bouche, pas mal le nez. Mais bon, tu feras un prochain jour, Romano. Ah ouais, bah pas de problème, ouais. Bon, faites attention à vos écrans, et sinon, bah ça va peut-être vous servir dans un instant, puisqu'on va jouer ensemble. On va jouer ensemble à un jeu pour gagner des sous ce matin. On fait le chrono thune. Ah, de l'argent, 300 euros à gagner. Allez, on met 300 euros en jeu. Le chrono thune arrive, c'est sur Skyrock, c'est juste après le gros son de MHD et Afrotrap partie 5. Et on va parler, d'une grande star dans le chronotune avec la question de sélection qui arrive tout de suite sur Skyrock et vos places de foot qui arrivent aussi. Ce sera 7h30. On reconnaît les pas, vous reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de faire, apprendre des marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? On fuit ta tenue, mon gars, place au combat. On s'y pointe de pas, tu payes en test. Le bon qui va gérer mes vêtements. Et moi, j'ai ça, tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, que bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Wallé. Faut que les jaloux, j'y vois pas vie. À 11h, je vis ça avant même. Gardez, appétit, quand je marche la boule à tout Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères. Ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me méprise mes gars sur mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, je te baigne, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte claire. Bon, je suis sur l'air, et c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de l'air quand la ligne est restreinte. Ngaté, appétit, quand je me parle, je la moula du Brésil. Imbécile, je me parle loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gati appétit, appétit, gati appétit, gati appétit, appétit, gati appétit, on se marche la boule à tout Brésil. Imbécile, je parle loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gati appétit, gati appétit, appétit, gati appétit, gati appétit, appétit. Frotra partie 5, on écoutait MHD, MHD qui était l'invité de la Radio Libre lundi soir, sympa comme tout MHD, une vidéo d'ailleurs que vous pouvez mater sur toutes les réseaux. On va parler d'un champion ce matin, et oui, un champion footballistique qui vous fait kiffer les filles, qui fait même kiffer les gars en plus. Champion mon frère. Champion mon frère. Voici la question de sélection pour le chronotune. Alors, le chronotune, c'est 300 euros pour vous. Les numéros pour nous laisser vos réponses, c'est le 41-759. Ou alors directement avec l'appli, c'est gratuit. Vous téléchargez l'appli Skyrock, vous nous envoyez vos messages. N'oubliez pas vos numéros de téléphone si vous avez la bonne réponse. Ouais. Et la question, c'est de quel footballeur je vais vous parler. Footballeur qui fait le buzz actuellement. Son équipe a joué hier, lui, il n'a pas joué. Il se prépare pour l'Euro. Mais lui, il s'est préparé sur un yacht. Ah, bah ça va. Tranquille. Sympa la préparation. Et la photo qui fait le buzz et qu'on va vous mettre sur les réseaux de Skyrock ce matin. C'est la photo de lui en mini short à rayures, vous savez, comme les shorts marins. Ça me fait penser, tu sais, au parfum Jean-Paul Gaultier là avec les marinières. C'est les vrai, trucs, ouais. C'est exactement ça. Ou à l'autre, là, comment il s'appelait le ministre qui parlait comme un. Ah, Montebourg. Voilà, comme un. Comme un Louis XIV. Ouais, c'est ça, ouais. Montebourg. Bon, il est habillé comme ça. Donc, quel est le footballeur qui a été pris en photo en mini short sexy? Ah oui. En train de s'éclater sur un yacht à Ibiza pendant que son équipe perdait 1-0. Ils ont perdu 1-0, ouais. Eh bien, vous avez la bonne réponse. Mais ils s'entraînent, là. Oui, à fond. Entraînement intensif. Vous allez voir la photo, ils s'entraînent grave. Donc, quel est ce footballeur qui était pris en photo? Vous avez la bonne réponse, c'est la question de sélection. Et vous tenterez les 300 euros juste derrière. C'est le chronotune qui arrive pour vous sur Skyrock. Et à 7h20. On vous souhaite bonne chance, une bonne journée et on prépare Matt Posner sur Skyrock. Jean-Paul ? Incroyable ! Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ben, je suis là. Chez Volkswagen ? Oui, depuis 15 jours. Ben, t'étais pas prof de maths ? Si, enfin... Mais tu fais quoi chez Volkswagen ? Ben, comme toi, j'hésite. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67 euros, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseaux participants. Fifth Harmony. Les 5 filles qui enflamment la pop. Retrouvez le tube Work From Home sur leur nouvel album 727. 727, le nouvel album des Fifth Harmony est maintenant disponible. Dis, est-ce que tu m'aimeras toute l'année ? Bah, pourquoi tu me demandes ça ? Parce que pour ces 20 ans, oui. Bouygues Télécom offre la 4G illimitée les week-ends, toute l'année. Ah bah si c'est illimité, je t'aimerais toute l'année, oui. Sur tous les week-ends. Ah là là, tous les mêmes. Quoi, tu veux ? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le nouveau forfait Sensation 5Go, le premier forfait avec 4G illimité tous les week-ends. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 24 mois, bonus week-end illimité valable 24 mois, offre soumise à condition. Niska. Découvre le premier album de Niska avec entre autres des feats de Booba, Maître Gims, SCH, Gradure.

qui s'écoulent, t'enlèves 10 euros sur les 300 euros. Aïe, aïe, aïe. Il faut garder un maximum de thunes. Pierre, je te pose une question et après, t'attaques très très vite. Tu donnes la réponse. Attention, c'est parti. Le chrono-thune. Tu sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Et la question du jour, la voici, la voilà. Il était à Ibiza, Cristiano Ronaldo. Cite-moi 5 noms d'îles à part Ibiza. Top. Allez, chrono. Top. Paris, Toulon, Marseille. Attends, on reprend depuis des îles. On va être gentil. Ah, des îles, j'ai pas compris la question. T'as mal entendu. Alors, 5 noms d'îles, 30 secondes. C'est reparti. Alors, et Maurice, les Canaries, l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. 4, 5. Et voilà. Hop là, bien, bravo. Et voilà, premier sur la géo ce matin, Skyrock. Ouais. Ouais. Bah, bien joué. Oui, heureusement qu'on t'a mis le chrono à zéro parce que là, c'était une bonne partie quand même. J'avais pas compris. J'ai compris le nom de ville. Oui, on avait bien remarqué, oui. Paris en île, bon. Tu nous faisais toute l'île de France. Oui, tu vas me dire Paris sous les eaux, c'est quasiment une île. Actuellement, c'est vrai. On aurait pu accepter, mais non. Ah bah, c'est bien, il te reste 25 secondes, ça fait 250 euros. Bip, bip. C'est bien, ouais. 250 euros pour toi, Pierrot. C'est bien, t'es pas loin du record. Hein. Ouais, on va t'envoyer ce beau chèque à Toulon. Merci, Skyrock. Et reste bien dans le coin parce qu'il y a des places de foot. Vous imaginez, si tu gagnes des places de foot, Pierrot, tu vas énerver tout le monde. Ah ouais. Il y a moyen. En tout cas, pour les 250 euros, ça c'est sûr, c'est fait, c'est parti. Merci beaucoup, Skyrock. Ce sera ton chèque du vendredi matin, tu vois. Et vous gagnez bien. Bravo, Pierrot. Salut, Pierrot. Et bonne journée à toi. Et à 7h28, on retrouve Mike Posner, les infos de Rémi avec la météo et mon top officiel pour gagner vos places pour aller voir, allez, je vous le dis, France-Roumanie. Allez, les bleus. Le match de la semaine prochaine au Stade de France. Vous y serez avec Skyrock et le Crédit Agricole. Les places sont à gagner. Et bien, dans quelques instants, le temps d'aller faire un tour. Justement, on parlait d'Ibiza. Eh ben voilà. À Ibiza avec Mike Posner et Cristiano Ronaldo. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Already blew his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. I took a pill in Ibiza sur Skyrock, c'était Mike Posner, il est 7h31. Attention, les infos tout de suite avec Rémi, on va parler météo, on va parler flotte. Ouais. Et on va parler sport et foot. Et juste après les infos, le top officiel pour gagner vos places pour l'Euro. Aujourd'hui, c'est France-Roumanie qu'on vous offre. Ouais, parce que là, il y en a plein qui ont commencé à s'inscrire alors qu'on n'avait pas dit top. Ouais. Ah, mais bon, vous avez raison. Ouais, hein. Oui. Tentez de le tout pour le tout pour gagner vos places. Il y en a plein, 200 à gagner sur Skyrock. Et quelques-unes pour vous dans ce morning, bien sûr. Après les infos de Rémi, c'est l'heure. Ouais. 7h31. Bonne journée, bon week-end. La météo pour aujourd'hui. Oui, oh, bah, tu peux rigoler. On a encore 13 départements en vigilance crue ce matin, mais j'ai quand même des bonnes nouvelles. L'eau baisse. Bon, ah bah tant mieux. Voilà, ça c'est bien. C'est rouge toujours en Seine-et-Marne et orange pour les autres départements d'Île-de-France et pour quasiment tous les départements du centre. Côté ciel, eh bien, ça se calme aujourd'hui. On a des bruits matinales, mais beaucoup moins de pluie, hein. Ça, c'est le principal. Même si la grisaille va encore dominer quasiment partout, le soleil va revenir au fil des heures dans la moitié sud et en Bretagne. Et puis demain samedi, la pluie s'invitera partout, mais de manière très mesurée, sauf le long du littoral atlantique. Alors que ça ira mieux dimanche, même si on aura encore quelques averses localisées en Île-de-France, sur le centre et sur les Alpes. Les températures ce matin dans le nord comprises entre 10 et 13 degrés, 12 à Lille, 13 à Paris, de 12 à 16 dans le sud, 13 à Lyon et 16 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 15 à Beauvais, 16 à Rouen, 17 à Lille, 18 à Paris, 19 à Poitiers, 20 à Saint-Etienne, 21 à Limoges, 22 à Marseille et à Lyon, 23 à Bordeaux et 25 à Toulouse. Et puis la pollution, c'est pas trop mal, les indices sont compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Valenciennes, Metz, Nîmes et Perpignan. Et bon courage ceux qui sont sous l'eau. Et le point tout de suite sur l'actu. L'actu et le sport sur Skyrock. On vient de le dire dans la météo, ça s'arrange. Dans les zones les plus sinistrées par les crues, l'eau recule sensiblement en Seine-et-Marne, dans l'Essonne et dans le Loiret. Le pic sera atteint aujourd'hui sur Paris. La Seine pourrait frôler ou légèrement dépasser les 6 mètres. Les voies sur berge sont totalement inondées. Les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés pour évacuer les œuvres en réserve et les mettre donc en sécurité. La portion du RER C qui passe dans la capitale intramuros donc est suspendue depuis hier 16h et au moins tout le week-end jusqu'à lundi matin. La 10 entre Paris et Orléans dans les deux sens reste impraticable. Donc si vous devez partir en voiture ce week-end sur la 10, c'est bien essayer de trouver un autre itinéraire. Un cavalier de 74 ans est mort hier en Seine-et-Marne. Il a voulu traverser un champ inondé mais son cheval a fait une chute. François Hollande a affirmé hier que l'état de catastrophe naturelle sera décrété dès mercredi en Conseil des ministres. Manuel Valls se rendra aujourd'hui dans l'Essonne, notamment à Longjumeau où les dégâts sont quand même très importants. Encore de la patience sur les quais de gare aujourd'hui. Troisième jour de mobilisation avec des pertes alors que le week-end commence dans quelques heures. Prévision identique à celle d'hier. Donc 40% des Transiliens et des RER sur l'Île-de-France, un tiers des Intercités, la moitié des TER et 6 TGV sur 10. En ce qui concerne les raffineries, la direction de Total souhaite redémarrer celle de Donges en Loire-Atlantique. Une assemblée générale des salariés est prévue aujourd'hui. Enfin, vous devez savoir que les syndicats d'Air France ont déposé un préavis de grève du 11 au 14 juin. Tiens, tiens, ça tombe mal, c'est le premier week-end de l'euro. Oh, sympa. Ouais, une scène de guérilla urbaine hier en plein après-midi dans Paris. Une centaine de casseurs armés de barres de fer et de haches ont fait irruption porte de Versailles et rue Vaugirard. Ils se sont acharnés avec une violence absolue contre des dizaines de vitrines de magasins alors qu'ils étaient poursuivis par les CRS. Le maire du 15e arrondissement a porté plainte et se dit très inquiet pour l'euro. Et on va parler de Cavani maintenant. Est-ce qu'il va rester au PSG ou pas? Et puis on parlera également de la finale de l'NBA qui a commencé cette nuit. Verra-t-on Cavani dans les rangs du PSG la saison prochaine? Il est sûrement le seul à avoir la réponse à l'heure où l'on parle. L'Uruguayen est pressenti pour endosser le rôle de Zlatan qui s'en va. Le club de la capitale fait tout pour lui montrer sa confiance. Une grosse proposition aurait été faite avec prolongation de contrat pour 2 ans. Le problème vient plutôt de l'Espagne, puisque l'Atlético Madrid rôde autour de Cavani. Il faut dire que le PSG a bien du mal à recruter du lourd pour son retour offensif. Des rumeurs circulent sur Morata de la Juve ou Higuain de Naples, mais rien n'est encore fait. À coup sûr, ce mercato de l'été sera passionnant. Quelques résultats à vous donner quand même. L'équipe de France Espoir qui jouait en match amical contre l'Italie. Victoire des Bleus 1-0. Même score pour l'Angleterre opposée au Portugal en match de préparation à l'Euro. Et puis la dernière ligne droite sur les parquets de basket américains. Première finale cette nuit entre Golden State et Cleveland. Avantage pour les tenants du titre, les Warriors qui s'imposent 104 à 89. Les cavaliers de LeBron James se sont montrés maladroits et complètement dépassés en défense. Aïe aïe aïe. Merci pour les infos Rémi. On te retrouve dans une demi-heure et à 7h35. Attention, attention. Top, place de foot, c'est parti. Le morning de Difool, 6h, 9h, on est chaud avec Difool et Romano sur Skyrock. Oui, Romano, elles sont gratuites les places. Eh ouais, je sais bien, France-Roumanie. France-Roumanie, les places à gagner sur Skyrock, préparez-vous. Attention, attention, bah, j'espère que vous êtes prêts, faut vite envoyer vos messages là. Allez-y, 41-759 sur l'appli Skyrock aussi. C'est pas le plus rapide, on fait tirage au sort, c'est Cariole avec ses belles mains douces, oui. Au long doigt innocent, qui va vous tirer au sort. Vous laissez vos messages, alors c'est simple, vous laissez juste votre prénom, votre numéro de téléphone. Très très vite et on vous tire au sort 41-759, appli Skyrock. Vous nous faites péter tout ça. Et attention, n'oubliez pas votre numéro de téléphone parce qu'il y en a plein qui oublient, je vois. Ah, Romano, il voit tous vos messages qui défilent. Oui, je vois, ça m'hypnotise. Oh, comme c'est beau. Fais pas une crise d'épilepsie. Hein, non, ça va, ça va, je vais essayer. Bon, et puis on va parler vacances parce que c'est le week-end. On est le 3 juin. Ah, c'est la dernière ligne droite pour cette année, pour cette saison. Eh ouais. Eh bien, profitez-en pour nous dire où est-ce que vous partez en vacances. On va en reparler dans un instant. On a quelques petites idées à vous proposer. Ah, des endroits sympas. Oui.

On a Baptiste avec nous en direct de Lille, au téléphone avec, bah, avec toute l'équipe. Bonjour Baptiste. Bonjour. Salut. Ça va, bah écoute, ça va. Tu sais, je n'en ai pas beaucoup parlé ce matin parce que je suis pas du genre à me plaindre. Mais j'ai quand même une énorme, énorme tendinite aiguë, très aiguë même, à l'épaule gauche. Ce qui fait que je me balade avec un bras et l'autre en écharpe. Je souffre le martyr, Baptiste. Tu fais bien de me le demander, mais je ne me plaindrai pas parce que je suis pas comme ça. Non, mais t'inquiète pas. Après, si t'es capable de me faire gagner une place quand même. Ben, j'en aurais peut-être même deux si t'as de la chance. Oh là là. Et Difoule, pour ta tendinite, on va s'en occuper avant 9h. Ah, merci l'équipe, comme vous êtes gentil avec moi. Je suis en train de contacter un boucher là qui va s'occuper. je pensais que t'étais plus chouchouté que ça. Ouais, t'as vu comme ils sont méchants avec moi. Non, mais t'inquiète, il arrive là, je suis en contact avec lui, il est en train de déguiser tout ce qu'il faut. La bonne nouvelle, c'est que les cachets, ça me shoot complètement, donc au bout de moment, je ne me rends plus compte de rien, c'est super. Mathis, bon, là, je vais bien me rendre compte de ce qui va se passer parce qu'il y a des places de foot à gagner, elles sont pour toi. C'est l'heure de ta roulette, Mathis, on y va. Skyrock et le Crédit Agricole t'offrent 200 places pour l'Euro 2016. Oui, et on fait tourner. C'est parti. Quand tu veux, tu dis stop, c'est pour France-Roumanie. Le match de la semaine prochaine. Ah, toi, t'étais rapide. Hein. Ouais, c'est bien. Eh bien, Baptiste, tu viens de gagner ce matin. C'est bon, ça. Tes deux places, tu vois, t'en as pas une, t'en as deux, je t'avais bravo dit. Bravo. Bravo. Ah, ça fait plaisir, on va aller encourager les Bleus. Et ouais, deux places pour France-Roumanie pour toi ce matin sur Skyrock. Bravo, Baptiste. Ah, super, franchement, top, les gars. Tu nous serviras de Sky Reporter, puisque dès vendredi prochain, on sera là tous les soirs entre 21h et minuit. Et on sera évidemment sur l'Euro, avec vous tous dans les stades, vous tous devant la télé, vous tous en direct à la radio. Allez, bleu. Ça, c'est le morceau que tu nous chanteras en direct la semaine prochaine. Ah, c'est le tube des Bleus, ça. Ouais. Bravo, Baptiste. Merci beaucoup, Edifool. Et restez bien sur Skyrock toute la journée, vos places à gagner. Jusqu'à ce soir, il y en aura aussi chez nous entre 21h et minuit, puis avec toute l'équipe. Toute la journée. Ouais. Salut, Baptiste. Bise. Salut, merci. Salut, Baptiste. Et bon match et à la semaine prochaine. T'as déjà fait du naturisme, Baptiste? Non, jamais. Est-ce que ça te dirait de faire du naturisme avec nous ce matin? Pourquoi pas, allez, soyons fous. Oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du naturisme. Tout le monde à poil. Et le pays le plus naturiste d'Europe, c'est nous, la France. C'est vrai, il y a plein de camps naturistes en France. Il y en a plein de partout. Et ce matin, je vous l'annonce, avec Romano, on a fait un petit business. On a monté notre camp naturiste. Eh ouais, ça y est, c'est parti, on va inviter les familles. Et on va faire un petit test, c'est lors du French test. Est-ce que les Français ont envie d'aller passer quelques jours, peut-être ce week-end, avec nous au camp naturiste? Ouais, c'est ça. Est-ce que les hommes auront envie de se faire bronzer la nouille? Avec le temps qui fait dans certaines régions de France, c'est pas gagné. Ça va faire bronzer la nouille. C'est pas sûr. C'est pas un week-end à coup de soleil. Non, c'est clair. Alors, on fait le test. Est-ce que les Français sont branchés par le naturiste? C'est parti. Le French test sur Skyrock. Mais oui. Allez. Moi, j'ai déjà nagé le sexe à l'air. Moi aussi. Et tu t'es jamais montré devant tout le monde sur la plage? Non, je vais un peu au loin, j'enlève mon maillot de bain et je nage nu. C'est agréable, hein? Ah ouais, c'est trop agréable. J'aime bien, j'ai un poil. Allô, Jean-Marie? Hey. Yavol, comment vas-tu, Jean-Marie? Ça va. Je suis avec le directeur adjoint. C'est moi. Pourquoi je suis adjoint? Bah parce que c'est moi le directeur. Ah. Je suis avec le directeur adjoint. On vient d'ouvrir un camp naturiste. Et on voulait proposer, Jean-Marie, si vous voulez pas venir te faire bronzer un petit peu la nouille dans notre camp naturiste. Avec ta bonne femme. Merci. Non, t'es sûr, tu veux pas? Non. Allez, viens. Aujourd'hui, tout le monde se met à poil. Ouh, ah bah tu vois, Karim, ne refais plus jamais ouh, les gens ont peur. Non, je t'assure, Karim. Ça a été automatique. Ah ouais. Le mec s'est barré directement. Donc, camp naturiste, pour le French test, je mets un qui ne vient pas à cause de Karim, je note. Oh là là. Cause de Karim, c'est noté. Salut les filles. Ouh. Allô Christophe. Allô, c'est toujours moi. Oui, bonjour, comment tu vas, toi? C'est qui, l'appareil? Eh bien, c'est Monsieur Lapince, je suis le directeur, je suis avec mon sous-directeur. Pourquoi je suis sous-directeur? Parce que c'est moi le directeur. Ah. Et nous venons d'ouvrir un grand naturiste. Oui. Est-ce que tu voudrais venir avec nous ce week-end? C'est gratuit, on t'invite dans notre camp naturiste. Et c'est où? Bah, c'est juste à côté de chez toi, je te donne l'adresse, je vais te l'envoyer, je te fais un petit SMS, je t'envoie l'adresse. Ouais, ben viens avec ton mari. Bah oui, ce sera sympa. Ah bah, on aimerait bien qu'il se fasse bronzer la nouille. Ah ouais, ce serait cool. C'est son truc, je sais pas ce qu'il a mon directeur ce matin, mais il a envie de... Ah, j'adore voir des nouilles bronzées. Ah voilà. Donc tu viens avec nous? Pas de problème. Oh, mais c'est gentil. Ah bah, c'est comment ton petit prénom? Alice. Alice, ça glisse. Écoute Alice, de toute façon les bagages sont vite faits, t'as besoin de rien. C'est vrai, c'est pratique d'être naturiste. Ah oui, c'est vrai, c'est cool, mais par contre, j'espère qu'il fait un peu plus chaud. Ah ben t'inquiète, on se réchauffera, il y aura la chaleur humaine. Oh, c'est beau. Eh bien Alice, on passe te prendre avec notre minibus, tout le monde a un poil dedans. Hein. Ouais. Ok, super cool. Eh ben, à quelle heure? Bah, je sais pas, vers 9h. Ouais, 9h15. 9h15, 9h30. Quand on finit ce matin. Pas de problème, je serai prête. Ah, très bien. Bah oui. Et ton mari s'appelle comment? Laurent. Lolo. Bon. Ah bah tu dis à Lolo de venir aussi. Alice et Lolo. La fête va être folle, on va faire la marche des tongs et tout. Hein. Oh, mais non, on n'a pas de tongs, on est à poil, Romano. Ah, ouais, on va faire la marche des à poil. Bah oui. Bon, Alice, on te fait un gros bisou et bonne journée mondiale du naturisme avec nous alors. Pas de problème, à bientôt. À tout à l'heure, chérie. À tout à l'heure, bisous. Eh ben voilà, ça y est. Bon, un non à cause de Karim, donc on peut l'éliminer. Oh. Un oui, notre French test est réussi ce matin. Merci, mon sous-directeur. Mais pourquoi tu m'as nommé sous-directeur que je ne suis pas président directeur général? Parce que moi, je suis le directeur. Ouais, bon. Ah, bah oui, bah, c'est déjà bien sous-directeur. Ouais, c'est vrai. Bon. Voilà, moi, je peux faire quoi? Bah, je sais pas trop, Cédric, du coup. Mascotte, bah ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans le camp naturiste, toi? Ah, je sais pas, je pourrais faire. T'aimerais bien aller dans un camp naturiste? Toi, non. Ah, ouais. Non. On te fait mascotte. On va te déguiser, on te met sur le truc du camp naturiste. Ouais, sécurité, je ferai moi. Ah, sécurité. Je pourrais mater tout le monde, tiens. Mascotte sécu. Dans une minute sur Skyrock, l'horoscope de ce vendredi 3 juin, puis le réveil de star du jour à Bichente Lizarazu. Eh ben oui, on est sur le foot. Bichente qui va réveiller les familles de France dans un instant. C'est sur Skyrock, il est 7h47. Ah, puis Ritza aussi qui arrive. SCH. Son premier album, Anarchie, est disponible. SCH, nouvel album disponible. Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'Emmental râpés dans le frigo? C'est de l'Emmental râpé français extra fin entre mont et lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris 3 paquets? Bah, 2 achetés, 1 offert. Ah, d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'Emmental râpé français extra fin entre mont de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformé en France, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. J'adore ça, le fromage râpé. C'est bon dans tout! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Et à 7h48, l'horoscope de l'amour. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce vendredi 3 juin, notre horoscope avec les Verseaux et les Lions en haut de l'affiche aujourd'hui. Ouais. Avec un beau 5 sur 5 de puissance amoureuse. Une semaine qui va se terminer en apothéose pour vous. Oh, c'est la meilleure journée de la semaine. Vous aurez toujours une longueur d'avance sur les autres aujourd'hui dans tous les domaines de la vie. Bravo les Verseaux, bravo les Lions. Merci. 4 sur 5, les Cancers et les Sagittaires, super pour vous aujourd'hui. Vous serez de bons conseils et vous profiterez de ce statut de bon conseilleur et de bonne conseilleuse pour séduire plus facilement. Cancer, Sagittaire, 4, 3 sur 5. Les Gémeaux et les Scorpions. Une journée très sympa pour vous, une ambiance détendue. Et en amour, c'est facile, vous restez le plus naturel possible. On vous aimera comme vous êtes. 3, c'est pour les Gémeaux et les Scorpions. On passe aux 2 maintenant, les Balances et les Béliers. Au travail ou en amour, une journée de négo. Aujourd'hui, il va falloir négocier, il faudra vous battre pour obtenir ce que vous voulez. 1 sur 5, les Capricornes et les Vierges. Vous aurez tendance à faire un peu trop de choses en amour aujourd'hui. Enfin, vous en ferez un peu trop tout court. Ça risque de faire fuir les autres. Attention, les Capricornes et les Vierges, soyez pas relous. Et pour finir, les Taureaux et les Poissons. On aura du mal à vous décrypter aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, achetez un décodeur Canal+. Voilà. Oui. N'hésitez pas à annoncer aux autres ce que vous voulez vraiment, et notamment aux gens qui vous aiment. Eh ben, bon courage. Il arrive, c'est Bichente Lizarazu. Salut Bichente. Salut Didier. Non, Difool, moi, c'est pas Didier. Moi, bah, il avait le début qui est bon. Oui, il avait la première syllabe. Bon, Bichente Lizarazu arrive, on va réveiller les familles de France. Il est content, nous aussi. Le réveil de star, c'est juste après Ritza et je m'en fous sur Sky. C'est Ritza dans le morning de Difool. Écoute mon nouveau son sur Skyrock. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes, mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour. Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond. Je m'en fous, rien à faire, tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond. Je m'en fous. C'était Ritza sur Skyrock, le nouveau Ritza, qui nous avait présenté d'ailleurs dans la radio libre, Ritza. Oui, c'est vrai. Elle avait au téléphone, était en train d'aménager dans son appartement. C'est vrai. Et l'appartement était vide, t'as l'impression qu'il nous appelait de ses chiottes, Ritza. Non, non, non. Ritza avec Je m'en fous, il est 7h53. On vous souhaite une belle journée. Les places de foot sont tombées ce matin, et oui. France-Roumanie. C'est France-Roumanie que vous avez gagné. Ouais. Bravo, bravo, félicitations. Bravo. À Baptiste. Et Baptiste. Ben, ah bah oui, le Nordiste. C'est lui qui a gagné. Baptiste du Nord. Et tiens, on aura un chèque de 1500 euros dans moins de 10 minutes. Mais tout de suite, une star qui vient nous rendre visite, comme tous les matins, et qui va réveiller les Français. Un des commentateurs officiels de l'Euro sur TF1. Oui, il s'appelle Bichente. Bichente comment hein? Lisa Razou. Razou, Lisa Razou. Lisa, oui. Lisa Razou. Razou. Qui est aussi surfeur. Oui, surfeur, commentateur sur TF1, ex-footballeur, champion du monde. Champion. Champion, mon frère. Champion, mon frère. Et bon, eh ben écoutez, il va réveiller Didier ce matin. Vicente Lizarazu, c'est l'heure du réveil de star à 7h54. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Et on écoute un Didier qui se fait réveiller par Vicente ce matin. Attention. On est parti. Oui. Oui. Salut Didier. C'est qui? Lisa. Lisa. Ah, salut. Je ne t'avais pas reconnu. Bon, Didier, on est ici à Biarritz. À Biarritz? Oui. Qu'est-ce que tu fais au Biarritz? J'avais envie de vivre au Pays Basque. Ah ouais, bah c'est cool. Tu commences à voir l'euro qui se pointe. Ouais. La ferveur, tu commences à la sentir. Ah non, pas trop, non. Le foot, c'est important dans ma vie. Ah non, c'est pas trop mon truc, c'est le foot. Comment tu vas recomposer cette défense centrale? Ça me passe au-dessus de la tête, ça. Ce qui m'éclatait dans le sport, dans le foot en particulier, c'était d'exploser des mecs d'un 90 comme toi. Hein? C'est quoi, c'est t'embrouille. On est amis dans la vie. Bah, ramène ta gueule ici, mais tu vas voir, tu es un ami vite fait, toi. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. Alors là, il y a un problème parce qu'il a cru que c'était un pote à lui. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout reconnu Lisa Razou. Ouais, j'ai ramène ta gueule, je vais m'occuper de toi. Mais en même temps, Lisa Razou qui dit, ouais, je vais éclater des mecs d'un mètre 90, il prend des risques. Oui, bah, du haut de 1m60, c'est ouais, vrai, c'est pas facile. Alors, je sais pas comment ça va se passer entre Didier et celui qu'il a cru être son pote quand ils vont se retrouver la prochaine fois. Ah bah, je pense qu'il va le patater. Ça va être sympa. On va peut-être lui repasser un petit coup de téléphone hein, pour lui prévenir quand même. Didier, Lisa, c'était la rencontre de ce matin, le réveil de star de 7h55 ce matin, tiens. Oui. On se prépare pour les 1500 euros, c'est 1500 euros à gagner, c'est sur Skyrock, c'est pour vous, l'enveloppe est déjà là pour Va falloir que je l'ouvre encore.

Foul, en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et oui, c'est reparti pour la dernière heure du morning, dernière heure de la semaine. Profitez-en et restez avec nous jusqu'à 9h. On va jouer à Info ou Mytho tout à l'heure à 8h20. Encore vos téléphones à gagner, on a déjà offert un tout à l'heure. Hein. Ouais, Galaxy S7 ou iPhone 6S, pardon. Oh, il voulait vous gratter, il voulait vous refiler son vieil iPhone. Non, mais c'est bien le 6S. Hein. Ouais, c'est bien le 6S. 8h20, tout à l'heure, on jouera à Info ou Mytho. J'adore ce jeu, Info ou Mytho. Bon, j'adore les conseils pas chers aussi. Romano, tu t'en occupes dans un instant et on va parler de nos voisins. Ouais, c'est ça. Les voisins qui vous espionnent, qui vous regardent, qui écoutent ce que vous faites. Ouais, d'ailleurs, on a un sondage pour ça. Là, on va s'occuper de tout ça et je vais aller soutirer de l'argent aux familles. Bien sûr, c'est quand même l'heure des conseils pas chers. Chantage et escroquerie au programme. Et le sondage dont on va parler, c'est le pourcentage des Français qui espionnent leurs voisins chez eux. Est-ce que vous avez déjà espionné vos voisins? Dites-nous, tiens, vous pouvez témoigner au 41759 sur l'appli Skyrock aussi. Vous nous laissez vos messages et on jouera aussi pour vous offrir Disney ce matin. Tiens, on a des passes pour Disney à vous offrir. Ah bah allez, on peut faire ça. Ce sera aussi avant 9h. Et les 1500€ arrivent. Hein. Ah, j'ai pas oublié l'argent, Romano. Oui. Je te remets l'enveloppe, puisque je ne peux pas l'ouvrir. Je le rappelle aux auditeurs qui sont des millions à me laisser des messages et à compatir avec moi que j'ai une tendinite, donc je n'ai plus qu'un bras. Ouais, bah, donc, ouais non, t'as encore les deux, sauf qu'il y en a un qui est en écharpe. Bah il sert à rien. Non, pour le moment, c'est vrai. Donc ouvrir une enveloppe comme ça, c'est pas facile. Heureusement, j'ai mon assistant Romano qui va s'en occuper. Je le ferai avec plaisir. Je te nomme assistant officiel de mon bras. Ah, merci. Merci, de rien. Fifth Harmony arrive, elles arrivent avec Work From Home. Oh, et un son de 50 Cent, un grand classique du rap. On écoutera Candy Shop. Mais tout de suite, c'est Rémi qui est là. Rémi est en transe. Ah oui, là, je suis content. 50 Cent. Ah, 50 là. New York Baby. Yeah. N'importe quoi. 8h04. Allez, t'es pas en avance pour les infos, Rémi. Ouais. On commence par la météo. Voilà, bah encore 13 départements en vigilance crue ce matin, même si le niveau de l'eau baisse. Hein, c'est rouge en Seine-et-Marne, orange pour les autres départements d'Île-de-France et pour quasiment tous les départements du centre. Côté ciel, ça se calme aujourd'hui. Beaucoup moins de pluie, même si la grisaille domine encore partout. Le soleil va revenir au fil des heures dans la moitié sud et en Bretagne. Demain samedi, la pluie s'invitera partout, mais de manière mesurée, sauf le long du littoral atlantique, alors que ça ira mieux dimanche. Même si on aura encore quelques averses localisées en Île-de-France, sur le centre et sur les Alpes. Les températures ce matin, 10 degrés à Caen, 11 à Orléans et à Annecy, 12 à Quimper et à Lille, 13 à Lyon et à Paris, 14 à Toulouse et 16 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 15 au Havre, 16 à Cherbourg, 17 à Lille, 18 à Paris, 19 à Tours, 20 à Nantes, 22 à Marseille et à Lyon, 23 à Strasbourg, 25 à Tarbes et 27 à Mont-de-Marsan. La pollution, pas mal. Les indices compris entre 2 et 4, 5 à Valenciennes, Metz, Nîmes et Perpignan. Bon, on fait le point sur l'actu, puis on aura des nouvelles d'Olivier Giroud qui a fait quelques déclarations. Ouais. On parle tout de suite dans les infos sur Skyrock, mais on commence par les inondations. Ouais, Paris patauge en une du Parisien, mais Paris bouchonné également. L'accès au périphérique via la 4 est fermé, ce qui provoque beaucoup de ralentissements. Il y a plus de 250 km de bouchons actuellement, soit plus de 120 km qu'habituellement. Conséquence des intempéries qui rendent les accès impraticables, tout comme les voies sur berge. La Seine devrait d'ailleurs atteindre son plus haut niveau aujourd'hui à 6 mètres. Les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés pour évacuer les œuvres en réserve. La portion du RERC qui passe dans la capitale est suspendue depuis hier 16h et au moins jusqu'à lundi. La 10 entre Paris et Orléans dans les deux sens reste impraticable. Un cavalier de 74 ans est mort hier en Seine-et-Marne. Il a voulu traverser un champ inondé, mais son cheval est tombé. 20 000 personnes ont été évacuées depuis le début de la semaine. Les pompiers sont intervenus 16 000 fois et 19 000 foyers sont encore privés de courant ce matin. François Hollande a affirmé que l'état de catastrophe naturelle serait décrété dès le prochain Conseil des ministres. Mercredi, Manuel Valls de son côté est attendu dans l'Essonne, notamment à Longjumeau où les dégâts sont quand même importants. Grève à la SNCF, acte 3, prévision identique à celle d'hier et d'avant-hier avec 40% des transiliens et des RER, un tiers des intercités, la moitié des TER et 6 TGV sur 10. En ce qui concerne les raffineries, eh bien la direction de Total souhaite redémarrer, au moins celle de Donge en Loire-Atlantique. Une assemblée générale des salariés est prévue aujourd'hui et puis les syndicats d'Air France ont voté une grève du 11 au 14 juin. Eh bien oui, ça tombe le premier week-end de l'euro. Un cadeau d'un milliard d'euros, François Hollande a fait un geste hier au congrès de l'Association des maires de France. Les élus qui se disent asphyxiés demandent l'arrêt des baisses des dotations. Le président n'efface pas l'ardoise, mais l'arrêt d'une moitié pour l'année prochaine. L'accueil a tout de même été glacial et le chef de l'État a été un petit peu sifflé, chahuté, voilà, on va le dire, par les maires pendant son discours. parler d'Olivier Giroud. Comme promis, il se confie. Il y aura aussi du tennis et de l'athlétisme dans le sport. La cote de l'avant-centre des Bleus reste fragile. Il l'a vu d'ailleurs après le match contre le Cameroun à la Beaujoire à Nantes où il était sifflé. Des réactions qu'il ne comprend pas, mais qui ne l'empêchent pas de dormir. Il le dit ce matin dans l'équipe. Il estime qu'il a quand même fait une bonne saison et qu'il paye probablement l'absence de Benzema. Le joueur ajoute en avoir parlé avec son pote Gignac, qui sait aussi d'ailleurs qu'il va être ciblé par ce genre de petit contretemps. Pour Giroud, l'objectif est clair, endosser le costume de titulaire en attaque des Bleus. Du tennis avec la suite de Roland-Garros, ça va s'enchaîner sur les courts parisiens aujourd'hui. On joue toutes les demi-finales, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, pour rattraper le retard. Novak Djokovic affronte Dominic Thiem et Serena Williams sera opposée à Kiki Bertens. C'est plus de l'athlète avec les Français qui sont partis chercher à Rome la qualification pour les JO de Rio. Ça passe pour le maître, Pascal Martino Lagarde et Jimmy Vico. Vico qui est descendu sous la barre des 10 secondes sur le 100 mètres. C'est le roi de la pomme de terre. Ah oui, on peut dire Jimmy Vico. Oui, c'est Vico. Ouais, Vico. Il est 8h07, on entre dans une demi-heure, Rémi. Et là, on vous offre 1500 euros, c'est parti. Aujourd'hui, c'est enfin vendredi. Enfin vendredi. Et c'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. Et oui, vendredi sur Skyrock, c'est une belle journée qui démarre. Puisqu'on a plein de choses à faire ce matin. Et dans un instant, on va parler de nos voisins. Vous avez des voisins espions, des voisins qui vous regardent. Ou alors, vous avez déjà espionné des voisins. Ah, moi, j'adore, moi. Ouais. Romano, c'est une commère. Non, mais moi, j'adore regarder chez les gens. Tu sais que ça m'est déjà arrivé dans la rue de passer devant une maison ou un appart et de coller ma tête à la vitre pour regarder dedans. Donc, ah, si un jour, vous voyez un chauve à lunettes qui est en train de regarder chez vous. Le nez écrasé sur votre vitre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est Romano de Skyrock. Ah non, mais moi j'adore voir chez les gens. C'est pas forcément eux ce qu'ils font, mais voir comment c'est décoré, tu vois, ce qu'ils ont comme meubles. Ouais, moi aussi j'aime bien, ouais. Ah, les commères. Des fois, ils laissent la tête ouverte, je regarde à l'intérieur, moi. Ouais, Cédric, il rentre carrément. Ouais, je te jure. Voilà, salut, je suis dans votre canapé. Oh, oui. Sont où les toilettes? Là, pour voir comment c'est. Vous le retrouvez dans votre frigo, et après, il n'y a plus rien dans le frigo. Bien mûr, j'avais faim. Bon, les voisins, et vous aurez le pourcentage des Français qui avouent avoir déjà espionné leurs voisins. Et moi, je vais gagner de l'argent avec ça dans les conseils pas chers. Ouais, on va voir comment, parce qu'il a toujours de super idées. Bravo, Romano. Et j'ai l'enveloppe des 1500 euros. Ah ouais, c'est Romano qui ouvre aujourd'hui. Vous savez que j'ai une tendinite. Oui, on sait. Je vous l'ai dit déjà. Oui, appelez les journaux, prévenez-les. Hashtag rest in peace, l'épaule de Difool. Ouais, c'est horrible de dire ça. C'est bon. Non, rest in peace, l'épaule de Difool. Ouais, non, mais bon, c'est jamais qu'ils oublient l'épaule. Ne vous inquiétez pas, je reste avec vous. Allez, 1500 euros à gagner tout de suite, on y va. Le jeu des 1500 euros. C'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Romano est une caméra de surveillance sur pattes, nous dit Kitam. Bah ouais, un peu, ouais. T'es pas loin de la vérité, Kitam. Bon, Romano, tu nous ouvres l'enveloppe. Allez, c'est ouvert. Oui. Et direction le 35 chez Yann Marquet à Saint-Malo. En file donc à Saint-Malo ce matin, c'est pour les Bretons, les 1500 euros. Bonne chance, Yann. Comment... Marquet. La famille Marquet. J'espère que les Bleus vont marquer la semaine prochaine. Allô. Allô, Yann. Oui. Oui. Oui. Comment vas-tu? Qui est-ce? Alors, je vais donner un indice. On est en direct à la radio, Yann. Je te sens bien, toi, dis donc, Yann. Ouais, bah, je commence la formation, là, ce matin, là. Ah, très bien. Je suis en formation, là, pour réceptionniste, là. Ah, ok, bah, très bien. Nous, on fait de la radio ce matin. Ouais, mais je crois savoir c'est qui. Ah. On va te poser une question. J'ai un doute, mais... Alors, on t'appelle pour les 1500 euros. Ça peut t'aider. Et ça sent Skyrock, ça. Ça sent Skyrock, ça sent bon. Hein. Ça sent quelle bon. Est ta... Quelle est ta radio préférée, Yann? Bah, c'est Skyrock. Hein. Allez, c'est gagné. Bah, bravo, Yann. Bravo. Ouais. Excellent. Tu viens de gagner 1500 euros, oh, Yann. Chine, bon, Yann, on va quand même t'annoncer la mauvaise nouvelle. Tu sais que Difool a une tendinite. Oui, j'ai une tendinite. Oui. Oh, c'est vrai. Une tendinite à l'épaule, ouais. Eh ben, faut appeler une petite masseuse pour ça. Eh, hey, tu sais que j'en ai plein qui m'ont laissé des messages. Il y avait aussi des masseurs. J'ai eu tout hier soir. Ouais. Ah ouais. Vous êtes sympas, les auditeurs de Skyrock. C'est gentil comme tout. C'est cool. Tu fais quoi dans la vie, Yann? Bah, moi, je suis cuisinier, moi, de métier. Et puis, bah, j'essaie de me reconvertir en réceptionniste parce que je vais pas pouvoir faire ça jusqu'à 60 piges, quoi. D'accord. Donc, c'est bien. T'as deux filières. Et puis, de toute façon. Voilà. Et je reste dans la restauration. Donc, si je veux ouvrir un truc plus tard, bah, j'aurai des bases sur un peu tout, quoi. Reconversion professionnelle. C'est bien. Ouais. Voilà. Et puis, 1500 euros pour voir venir. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est cool. Bah, ça fait plaisir. Magnifique. On termine bien cette semaine avec toi. Ah Yann. Ouais, bah là, je sais pas quoi dire là. Bien joué, Yann. Eh ben écoute, merci. Nous on te fait une bise, Yann. Ah, ça me fait super plaisir. bah tu m'étonnes. Oui. Et ce qu'on fait, on te reprend tout de suite, on t'envoie ton chèque très vite et tu le reçois d'ici 15 jours, hein, le temps de te l'envoyer, il arrive à la maison. Eh ben c'est super, merci beaucoup. Et on salue les Malouins. Et vive Skyrock. Et vive les Malouins. Salut. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Salut à ciao. Toi. Ciao. Ciao. The Morning Show. It's Fifth Harmony. The Morning Show on Skyrock. Vous avez vu, ils sont super les auditeurs de Skyrock. Oui. Ouais, les auditrices aussi, vous êtes super ah, oui. Tous. Et les Fifth Harmony, elles sont sympas. Hein. C'est celles qu'on retrouve tout de suite avec War From Home. I worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're all. But you gotta go to work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacation. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' do. She finesse, I fight boom, she take that. Put in overtime on your body. You don't gotta go to work, work, no. Work, work, work, work, but you gotta be on. Les Fifth Harmony avec Work From Home sur Skyrock, il est 8h15. Dans un instant, gros classique d'Europe. Oui. On écoute 50 Cent avec Candy Shop, c'est ça que j'avais promis. Oui, c'est hein. Ça, ouais. Et comment tient vos promesses sur Skyrock, Candy Shop à écouter dans un instant. On parle maintenant des voisins espions. Merci pour les messages que vous nous avez laissés là, les voisins espions. Tiens, c'est Cyril qui nous envoie un message. Lui, il a un voisin, il va aux toilettes au moins 50 fois par jour. Il entend la chasse d'eau toute la journée, il en peut plus. Ah ouais. Le mec a une gastrite aiguë, mais en permanence toute l'année. Une grâce sympa comme tout. Gastrite aiguë chronique. Maxou, ah, si je pouvais ne pas entendre mes parents. Ah, quand ils font l'amour, hashtag ça me dégoûte. Ah ouais. Oh, yes. Non, mais toi, c'est pas les voisins que t'espionnes, c'est tes parents. Ah non, mais ça c'est horrible. Horrible, horrible. Moi, mes voisins n'arrêtent pas de se plaindre comme quand on fait du bruit. C'est les premiers à marcher avec des talons. J'en peux plus. Ça m'énerve. Tiens, tu nous as même laissé le numéro. C'est Chloé qui nous a laissé le numéro de ses voisins. Non, mais ça c'est vrai. Hein. Souvent, les gens qui se plaignent du bruit, c'est eux qui en font le plus. Bah, c'est ce qui arrive chez Chloé. Eh bien, justement, tu as le sondage du jour. Quel est le pourcentage des Français qui ont déjà avoué écouter ce qui se passait chez leurs voisins, Romano? Eh bien, c'est... Et attention, le chiffre fait quand même flipper. Combien ? C'est 58%. Oh, ça m'étonne pas. Ouais. 58% des Français, exactement, c'est la question du sondage. Mmh. 58% des Français avouent avoir déjà baissé le son de la télé pour écouter ce qui se passait chez les voisins. Voilà. Les Français sont des espions. On en a quelques-uns dans l'équipe, hein. Cédric, Romano ont avoué, mais Carriole également. Oui, j'adore ça, moi. Bah, vous savez que moi, je m'en fous. C'est vrai ? Ouais. Moi, quand ils s'engueulent à côté, je baisse la télé et j'écoute. Ah ouais, c'est marrant. Parce qu'il y a deux filles, elles, c'est des pisseuses, en fait, c'est des petites adolescentes, alors elles n'arrêtent pas de s'engueuler. Toutes les deux ensemble, elles se tirent les cheveux. Eh bah, entre elles. Ah bah c'est sympa. Et puis on a un couple aussi, des fois ils se tapent. Dis donc, c'est sympa chez vous. Bonne ambiance. Ah bah ouais, sympa comme tout. Et ouais, sympa comme tout. Bon. Alors ce matin, moi je vais aller proposer aux familles, quoi. D'ailleurs, je vais leur proposer du tout. Ça va être un chantage que j'organise. Ouais. Parce que je vais leur expliquer qu'en fait, je suis au courant qu'elles espionnent les voisins. Et si elles me donnent pas de l'argent, je les balance aux voisins. C'est horrible. Ah bah, d'ailleurs, je vais. Arriver masqué. Ah, je me disais aussi. Je suis Monsieur X. Voilà, courageux, Romano, mais pas téméraire. Attention, c'est parti. Oui. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Allez, conseils pas chers. Une bonne idée pour aider de l'argent aujourd'hui, du chantage. Allô. Oui, Monsieur X. Oui, je suis Monsieur X. Très bien. Qui est la personne ? Là, on va chez Thomas. C'est parti chez Thomas. Allô ? Oui, bonjour, c'est la femme à Thomas. Comment ? Vous êtes la femme à Thomas ? Oui, pourquoi ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je sais que vous espionnez... C'est pas mal le canular. Encore une fois. Skyrock. On t'a déjà appelé. On connaît, hein, c'est la quatrième fois. Ah, c'est la quatrième fois, mais qu'est-ce que je t'ai déjà vendu, toi ? Ah, une fois tu m'as téléphoné pour dire arrête de chanter sous ta douche. Ah bah voilà, là il faudrait que t'arrêtes d'espionner les voisins, on n'en peut plus. Oui, c'est vrai. Il faudrait que tu me donnes un peu d'argent. Non, c'est plutôt toi qui me donnes de l'argent. Ah non, moi je donne rien du tout. Moi. Ah, ça, si, c'est toi qui téléphone, hein. Attends. Je vais venir te voir. Mais moi, non, chèque de 1000 euros. Il n'y en a pas. Ah non, c'est 1500. Ouais, si vous avez des sous. Oui, mais 1500 ou rien. Ah désolé. Ouais. Je suis désolé, là, je ne pourrais rien faire. Par contre, il faudrait que tu me donnes de l'argent, sinon je dis à ton voisin que t'arrêtes pas de les regarder. Un cochon. Oh, tu peux, hein, je m'en fous. Un bon cochon. Écoute, je passe boire un coup avec toi vers midi, là. Ah bon, on n'est pas là. Ah bah je viens vers 9h, alors. On est parti aussi. Ah bah, à quelle heure vous êtes là ? Ah, aujourd'hui, on n'est pas là. Hein. Ah bah, ce soir, vous serez là pour l'apéro, quand même. Même pas. Bon, bah, la solution, clé sous le paillasson, on s'installe chez toi, on attend que tu reviennes. T'inquiète, on s'en occupe. Ok, d'accord. Ah bah, je t'embrasse. Écoute, à la prochaine pour la cinquième ou sixième fois. Oui, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock maintenant qu'on est amis. Non, pour ça, c'est ridicule. Attends, tu rigoles. Hey, si tu veux serrer des meufs, tu te balades avec le t-shirt Skyrock. Ah, tu vas emballer, mais comme t'as jamais emballé. Ça va tomber comme des mouches, t'inquiète. Thomas. Thomas, on t'envoie ça. Ne quitte pas, Thomas, on t'en reprend. Hein. C'est bien, on se fait des amis avec tes conseils pas chers, Romano. Ouais, c'est bien, ouais. T'as vu ? Bah, attends, on va m'habituer. Hey, ouais. Salut, Thomas. Ciao. Alors, c'est reparti, hein. Ah, tu as à nouveau Monsieur X. Oui, bien sûr. T'as vu, même quand tu masques ta voix, tu te fais reconnaître. Oui, qu'en même temps, et Cédric évite d'appeler tout le temps les mêmes, parce qu'à un moment, c'est un peu grillé. Bon, on va chez Christian. Si tu veux. Allez, c'est parti. Oui ? Oui, bonjour, c'est la femme à Christian. Mais pourquoi ? Qui est à l'appareil ? Oui, je me présente, je suis un de vos voisins, mais je préfère garder l'anonymat. Non, merci, au revoir. Ah non, mais attendez, madame, je sais que vous regardez vos voisins. Je crois que ta voix elle fait flipper un peu. Oui. D'ailleurs, c'est bizarre, Romano, mais ta voix ne revient pas normale. Mais je comprends, je suis bloqué. Je sais plus ce qui t'arrive. Allô ? Allô ? Ah, c'est bon. Très bien, on l'a retrouvé, magnifique. Eh ouais. Bon, faites attention à vos voisins, les voisins espionnent. Les voisins vous regardent. Oui. Et entre un chiffre qui fait peur aussi, il y a 20% des voisins en France qui seraient prêts à balancer leurs voisins s'ils faisaient quelque chose d'illégal. Oh les salopards. Eh oui, tu peux le dire, les salopards. Attention aux voisins. Oui, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ils vous regardent, ils vous écoutent. Ils sont là. Il vous espionne. Il est complètement parano. Allez, 50 Cent tout de suite qu'on écoute avec Candy Shop. Ah, encore un super son sur Skyrock pour se réveiller. Grand classique du rap. 50. Et dans un instant, Yeah. Info Mytho. Uh-huh. On joue pour votre téléphone à gagner sur Sky. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how I sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it come to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Slow, climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before, cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. Lights on, a light off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle of stone, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Sur Skyrock, oh, ça fait plaisir à plein de monde. Merci pour les messages. Oh, il y a Prudnoff qui nous dit ça fait au moins 3 bonnes années que j'avais pas écouté ce son. Ça fait du bien aux oreilles, c'est vrai. Hein. 50 ouais. Cent et Cody Shop sur Skyrock à 8h24. Qu'est-ce qu'il devient lui, 50 Cent? Bah, il pose des photos sur le net. Je crois qu'il a lancé une marque de vodka aussi, non? Oui, il lance des trucs. Il a fait une série aussi. Ah, bah voilà. Power. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, bah ça travaille. Elle est lourde la série, mon gars. Bah, j'aimerais bien qu'il fasse des sons, 50, moi. Ah, non, mais il en fait, hein, mais bon, ça cartonne pas de ouf. Ah, c'est pas la folie. Non. Et c'est 50, gros souvenir avec Candy Shop. Et maintenant, bah, l'heure d'info au mytho a sonné. C'est l'heure de vous offrir vos téléphones Galaxy S7 ou alors iPhone 6S. C'est les téléphones qu'on vous offre. On va jouer à info ou mytho. C'est parti. Et on va parler de Carrefour. Les magasins Carrefour, qu'on salue. Ils ont lancé un concours qui invite tous les salariés de Carrefour à se filmer sur l'hymne officiel des Bleus de l'Euro 2016. Vous savez, c'est le titre que David Guetta a piqué à DJ Snake. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que les deux DJ, ils sont un peu... Concurrents. Et donc, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du... DJ Snake. Donc, je reprends mon info. Carrefour qui a lancé un concours qui invite les salariés à se filmer sur l'hymne officiel des Bleus. Le problème, c'est que dans le magasin de Charleville-Mézières, il y a un employé qui a été disqualifié parce qu'il a croqué une tête de poisson et il a léché de la viande devant les clients en chantant la chanson de l'Euro 2016. Disqualifié, allez. Ça, c'est l'info que je vous donne. Maintenant, il faut nous dire si c'est une info vraie ou une info fausse. Si c'est vrai, vous envoyez info. Si c'est faux, vous envoyez mytho. Je vous donne mon top tout de suite. Top. Et à partir de maintenant, on prend vos réponses. Et le premier ou la première qui a la bonne réponse va jouer avec nous à Info Mytho et tenter de gagner ses téléphones, le Galaxy S7 ou l'iPhone 6S. Alors, le concours de Carrefour avec le clip du magasin de Charleville-Mézières disqualifié après qu'un employé ait croqué une tête de poisson. Il va avoir faim, le pauvre. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ben oui. On mettra la vidéo. Hein, non, mais c'est vrai, bon pour les clients. Bon. C'est pas super. Alors, vos réponses très vite et vos téléphones dans la poche très vite aussi sur Skyrock. Il est 8h26. Jean-Paul ? Incroyable ! Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ben, je suis là. Chez Volkswagen ? Oui, depuis 15 jours. Ben, t'étais pas prof de maths ? Si, enfin... Mais tu fais quoi chez Volkswagen ? Ben, comme toi, j'hésite. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficie d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen.

Salut l'équipe. Salut à toi. Ouais, Jean-Mich. Salut. 23 ans, Jean-Michel. Tu fais quoi dans la vie, Jean-Mich? Je suis électricien. Ah, oh, bah très bien, tu sais que j'ai pas de lumière dans les toilettes. Tu peux venir m'aider? c'est pas galère, man. Et j'espère que tu es au courant également que Difool a une tendinite. On va se couper dans un instant. Je l'entends depuis tout à l'heure qu'il a une tendinite. Ouais. Toi aussi, t'en peux plus, hein. Non, mais dis-le, sois sincère. Mais Difool, on a trouvé des trucs, hein. On va s'occuper de ta carte. Ah, c'est gentil, enfin. Enfin, vous vous occupez de moi qui souffre en silence. Bon, Jean-Mich, est-ce que c'est vrai l'info que je donnais sur Carrefour? Oui, c'est une info. Et c'est une info, et ouais, donc c'est sur ce morceau que les employés de Carrefour sont invités à faire un clip. Bon, il y en a un qui est un petit peu débordé, hop, disqualifié. Bonne réponse, t'es qualifié pour jouer, toi t'es bien qualifié, ouais, pour jouer avec nous. Tu vas jouer avec nos deux journalistes du morning, d'un côté Carion, ouais. De l'autre Romano, et on joue pour ton téléphone, l'iPhone 6S ou le Galaxy S7. Tu es prêt, Jean-Mich? Je suis prêt. Et ben nous aussi, c'est parti. Allez. Info, mytho, mytho, mytho, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux? Romano. Alors, la Tour Eiffel aux couleurs de l'euro. Magnifique. Eh oui, il y a la fan zone qui est juste derrière sur le champ de Mars. Mmh. Et là, ils lancent une grande opération. C'est-à-dire qu'à partir du début de l'euro. La semaine prochaine. Chaque soir après le match, ils diffuseront sur la Tour Eiffel les images des joueurs qui ont marqué durant la journée de l'euro. C'est vrai? Ah bah j'en sais rien. C'est vrai, c'est le jeu. Mais tu es pas d'indice, toi. Donc par exemple, je sais pas, l'équipe de France joue son premier match contre la Roumanie. Voilà, on marque 10 buts. Eh ben ils mettront les 10 joueurs, les visages des 10 joueurs pendant un quart d'heure sur la Tour Eiffel, ouais, tous les soirs. Moi, je vois bien 10-0, 4 buts de Pogba, 3 de Griezmann, quelques-uns de Giroud. Eh ben voilà, ben ils mettront par exemple les visages de Pogba, Griezmann et Giroud sur la Tour Eiffel, et ils feront ça avec toutes les équipes qui jouent chaque jour, et ça pendant un quart d'heure tous les soirs sur la Tour Eiffel, les images seront projetées. J'ai eu un petit choses. Bug sur la fin là. Bah, Cariole, ton info. Moi, on part au lycée Janson de Sailly à Paris. Oui. Et en fait, il y a un nouveau règlement qui a été mis en place. C'est le port obligatoire du soutien-gorge pour les filles. Ah. Et les filles, en fait, se sont révoltées. Elles ne sont pas d'accord. D'accord. Info ou mytho? Très bien. C'est bien que ce soit que pour les filles, parce que c'est vrai que pour les garçons, ça serait. Oh là, mais pourquoi tu dis ça? Bah, attends. Jean-Michel, alors qui dit vrai, qui dit faux? Cariole ou Romano? Alors, je dirais Romano, mytho, Cariole, info. Moi, j'aurais dit l'inverse, mais bon. Eh bien, non, aujourd'hui, il y avait un pêche, nous sommes tous les deux mythos. C'est vrai? C'est ouais, c'est vrai, en fait. Il y a eu des. Nous sommes tous les deux mythos. Mais comment on fait dans ces cas-là? Eh ben comment on fait? Je ne sais pas. Mais la moitié raison. Tu veux un mytho sur les deux? Ouais, c'est vrai. Non, parce que Cariole, je sais, c'est au Canada, il y a un bahut qui a obligé les filles à mettre des soutiens-gorge, elles sont révoltées. Donc oui. Ça, je savais que c'était un mytho. C'est pas à Paris, c'est pas à Janson de Sailly. Et Romano, donc je me suis dit, forcément, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En fait, ce sera pas exactement ça. C'est la Tour Eiffel, elle sera aux couleurs. Alors en fait, il faudra lancer, par exemple, le jour de l'équipe de France, le hashtag, hashtag France. Oui. Et le pays qui aura le plus de hashtags, hashtag, en fait, ça, ouais. Ils mettront la couleur, la Tour Eiffel aux couleurs de l'équipe. C'est marrant. Ouais, ouais, d'accord, c'est ça. Ah, donc, c'est son mytho, faut quand même me donner un cadeau. Bah, tu gagnes ton téléphone. Bah oui, on va le faire. C'est notre faute. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est Romano qui paye moitié-moitié avec Cariole. Ah, ouais. Ah, bah, si c'est Romano qui paye, ça va. Ah, bah, ça te fait encore plus plaisir, j'imagine. Une bonne nouvelle. Ah bah, oui, c'est sûr. Une bonne nouvelle pour le comptable et le trésorier de Skyrock. qui nous déteste parce qu'on fait des trous dans la caisse. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, super, Jean-Michel, c'est gagné. On t'envoie ton téléphone, donc tu prends lequel? C'est nickel. Je prends le Samsung S7. Allez, le Samsung Galaxy S7. C'est bien quand on se trompe dans l'équipe, comme ça vous gagnez à coup sûr. Hein, c'est pas mal. Ah, bah ouais, encore mieux. Merci, Jean-Michel. Et petite précision sur la Tour Eiffel, il y aura également, ça c'est pour les filles, il y aura une boule géante. D'ailleurs, elle est déjà installée. Une boule géante de 12 mètres de diamètre accrochée entre le premier et le deuxième étage. Mmh. Et les meilleurs messages pour encourager les équipes seront diffusés tous les jours sur la boule géante. Eh bien, moi je dis allez les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! Et bravo pour ton téléphone, on t'envoie ça, Jean-Michel. Merci. Salut à toi, ciao. Ciao. Salut l'équipe. Il est 8h35, t'es encore en retard, Rémi. Bah oui. Ah bah ouais, c'est dingue, c'est l'heure des infos. Incroyable. Incroyable. Ah oui. Bah. Hey, les infos, mais les vraies là maintenant. Hein. Le point sur l'actu, avant d'en trouver Drake avec One Dance. C'est juste après l'actu. Et bah l'actu, c'est parti avec la météo pour aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui et de ce week-end. 13 départements en vigilance crue ce matin. Le niveau de l'eau a sérieusement baissé, c'est la bonne nouvelle. C'est rouge en Seine-et-Marne, orange pour le reste de l'Île-de-France et pour quasiment tous les départements du centre. Côté ciel, eh bien ça se calme aujourd'hui avec beaucoup moins de pluie, même si la grisaille va encore dominer partout. Le soleil va revenir au fil des heures dans la moitié sud et en Bretagne. Et puis demain samedi, la pluie va s'inviter quasiment partout, mais de manière mesurée, sauf le long du littoral atlantique. Alors que ça ira mieux dimanche, même si on aura encore quelques averses localisées en Ile-de-France, sur le centre et sur les Alpes. Les températures ce matin comprises entre 10 et 13 degrés, 12 à Lille, 13 à Paris, de 12 à 16 dans le sud, 13 à Lyon, 16 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 16 à Saint-Brieuc, 17 à Lille, 18 à Laval et à Paris, 19 à Angers, 21 à Lorient, 22 à Marseille et à Lyon, 23 à Biarritz, 25 à Montauban, 26 à Nîmes. La pollution, et c'est pas trop mal, les indices sont compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Valenciennes, Metz, Nîmes et Perpignan. Alors on la lance l'opération sauvant l'épaule de Difool. Oui, on va lancer, lançons l'opération à son hashtag Difool à une tendinite. Sans vous, les poils de Difool. C'est ce que j'ai cru comprendre, moi. Dans l'épaule de Difool. L'épaule. Mais on en reparle dans un instant, de toute façon je souffre en silence, vous le savez. Merci. De rien. Allez, l'actu, le sport, c'est parti. Quelle combativité. On l'a dit dans la météo, ça s'arrange dans les zones les plus sinistrées par le cru. L'eau recule sensiblement en Seine-et-Marne, dans l'Essonne et dans le Loiret. Le pic est attendu aujourd'hui à Paris. La Seine pourrait frôler ou légèrement dépasser les 6 mètres. Alors pour rappel, en 82, le record c'était 6 mètres 10. Donc on n'en est pas loin quand même. Les voies sur berge sont totalement fermées. Les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés aussi pour évacuer les œuvres en réserve. La portion du RERC qui passe dans Paris intramuros est suspendue depuis hier et au moins jusqu'à lundi matin. La 10 entre Paris et Orléans est également impraticable dans les deux sens. François Hollande a affirmé hier que l'état de catastrophe naturelle sera décrété dès le prochain Conseil des ministres. Mercredi, Manuel Valls se rend aujourd'hui dans l'Essonne où les dégâts sont importants, notamment à Longjumeau. La guerre des nerfs qui continue entre le gouvernement et les opposants à la loi travail à 7 jours de l'euro. Le gouvernement reste ferme. Manuel Valls a répété hier que le texte ne sera pas modifié. La tension reste palpable et des affrontements ont éclaté hier à Rennes. 5 manifestants ont fini aux urgences après avoir reçu des coups de matraque. Des journalistes auraient également reçu des coups. Le défenseur des droits, Toubon, va être saisi. Sur le plan des grèves, ça continue à la SNCF. Troisième jour de mobilisation avec des perturbations alors que le week-end commence ce soir, dans quelques heures. Prévision identique à celle d'hier. 40% des Transiliens et des RER, un tiers des Intercités, la moitié des TER et un TGV, 6 TGV sur 10. En ce qui concerne les raffineries, la direction de Total va tenter de redémarrer celle de Donges en Loire-Atlantique. Une assemblée générale est prévue aujourd'hui. Enfin, vous devez savoir que les syndicats d'Air France ont voté une grève du 11 au 14 juin, ça tombe le premier week-end de l'Euro. Et là, on va parler sport avec les confessions de Giroud et puis ça bouge au PSG aussi. Ouais, un nouveau cycle pour le PSG, c'est le boss Nasser El Khelaifi qui l'annonce aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Contrairement à ce qui a été dit en fin de saison, le grand patron dresse un bilan négatif donc de la saison qui vient de se passer. Il estime que le pire moment depuis son arrivée à Paris, ça a été lors de l'élimination là de la Champions League. Il poursuit avec un constat sans appel. Si on continue comme ça, on ne va pas y arriver. Chacun se fera son avis, mais certains qui lisent entre les lignes, s'interroge déjà ce matin sur le futur même de Laurent Blanc. Pas d'annonce pour l'instant, mais le coach pourrait être le grand absent du projet PSG nouvelle version. Quelques résultats à vous donner. L'équipe de France Espoir qui joue un match amical contre l'Italie. Victoire des Bleus 1-0. Même score pour l'Angleterre opposée au Portugal, cette fois-ci en match de préparation à l'Euro. Et puis les confessions d'Olivier Giroud à lire dans l'équipe ce matin. La cote de l'avant-centre des Bleus est fragile. Il l'a vu après le match contre le Cameroun. Il a été sifflé à Nantes. Des réactions qu'il ne comprend pas, mais qui ne l'empêche pas de dormir. Il estime qu'il a quand même fait une bonne saison, qu'il paye sûrement l'absence de Benzema. Le joueur ajoute en avoir parlé avec son pote Gignac, qui sait aussi qu'il va être ciblé par ce genre de contretemps. Pour Giroud, l'objectif est clair, endosser le costume de titulaire en attaque des Bleus et devenir donc incontournable. Allez Giroud. Allez Giroud. Et on retrouve Lisa Razou, tiens, avant 9h du matin, c'est le réveil de star. Réveil de star avec Lisa ce matin. Ouais. Comment il va être accueilli, on verra ça avant 9h. C'est promis, on vous offrira Disneyland Paris aussi ce matin. Oui, cadeau. Des passes pour Disney à vous filer. Tout un week-end à Disney à gagner, c'est sur Skyrock bien sûr. Et j'embrasse Baptiste qui a gagné tout à l'heure. Baptiste le Lillois qui ira voir France-Roumanie. Bravo Baptiste. Avec Skyrock, il a gagné les places que nous file le Crédit Agricole. Bravo, bravo. Il y en aura toute la journée, restez bien sur Sky. La journée commence bien avec Difool et Romano. Le morning de Difool sur Skyrock. Bah oui, t'as vu ça, la journée commence bien, magnifique. Alors, Romano, tu voulais donc lancer cette opération en solidarité avec tous ceux qui souffrent ce matin. Déjà, je lance le hashtag Difool a une tendinite. Pour que quand même le monde entier soit au courant. Bah, je crois que c'était le hashtag sauvant l'épaule de Difool. C'était long. C'est long, tu crois? Ouais. Bon, en fait, hashtag morning de Difool, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Bon, alors Difool, j'ai trouvé un sondage sur les douleurs des Français les plus courantes. Ah, j'ai mal. Ah, ça y est. Heureusement que je souffre en silence. Oui, heureusement. Bon, il y a un message qui m'a fait rigoler. C'est Manon qui nous a envoyé ça et qui dit Difool, il me fait penser à mon mec qui arrête pas de se plaindre. À peine il a un pet de travers. J'adore l'expression pet de travers. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais moi, j'ai pas de trou du cul au niveau de l'épaule, donc je ne fais pas de pet de travers. Non, par contre, t'as l'épaule en vrac. Je te le dis, Manon, ouais. Et vous savez que c'est la première

cet été, jusqu'au 31 juillet, Nutella vous offre un ballon personnalisé pour l'achat de deux pots collecteurs de 1 kg. Rendez-vous vite en magasin. Conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus? Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Allez, 8h51, il est l'heure de l'horoscope de l'amour. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Qu'est-ce que nous réserve ce vendredi? Vendredi 3 juin, voici les 12 signes. Les taureaux, les poissons, puissance amoureuse à 0 sur 5 aujourd'hui. On aura du mal à décrypter ce que vous dites. N'hésitez pas à annoncer ce que vous voulez clairement. Ça facilitera les choses avec les autres pour une meilleure communication dans l'amour aujourd'hui, les taureaux et les poissons. Oui. 1 sur 5, les capricornes et les vierges. J'avais un plus géant, là, tiens, géant. Eh ben oui. Vous avez une tendinite. Oh non. Capricorne et vierge, vous aurez tendance à en faire un peu trop en amour. Ça risque de faire fuir plutôt qu'autre chose aujourd'hui. 2 sur 5, les balances et les béliers au travail ou en amour, c'est une journée de négo qui vous attend. Il faudra vous battre pour obtenir ce que vous voulez, mais si vous vous battez bien, il n'y a pas trop de problèmes. C'est pas mal pour un 2. 3 sur 5, les gémeaux et les scorpions, une journée sympa pour vous, ambiance détendue. Et pour séduire, restez le plus naturel possible, on vous aime comme vous êtes. 4 sur 5, les cancers, les sagittaires, vous serez de bons conseils aujourd'hui pour tous vos proches. Vous saurez profiter de votre statut de bon conseilleur ou de bonne conseilleuse pour séduire plus facilement. C'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui, ça va bien se passer. Cancer, sagittaire. 4 et 5 sur 5, les Gémeaux et les Lions. Une semaine qui se termine en apothéose. Oui. Magnifique, Verseau, Lion. Il n'y a pas grand chose à dire parce que tout va bien. Ah, bah c'est parfait ça. Eh bien, profitez bien. Je vous pose ma question pour vous offrir Disney. Oui. Allez. Quel est le joueur le plus sexy de l'équipe de France de football? Si vous avez la réponse, en tout cas ce qu'ont répondu les Français, c'est un sondage qui a été fait auprès des Français. Le plus sexy de l'équipe de France, vous envoyez vos messages maintenant, le premier, et je vois des messages, c'est pas les bons encore, le premier ou la première qui donne la bonne réponse, par un Disney, pendant tout un week-end, encore un cadeau pour vous dans le morning. Eh oui, encore un. Profitez-en, les deux parcs, la bouffe, l'hôtel, tout pour vous. C'est parti, le plus sexy de l'équipe de France, et on en reparle tout de suite, et on retrouve en plus, Lisa Razou. Eh oui. Premier sur le foot, Skyrock. Je m'appelle G-Eazy, le matin, j'écoute Skyrock. The Morning Show! And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks about this modesty. I just need space to do me, get away with what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. And I don't like talking to strangers, so get the f*** off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go ape, say f*** out of all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This is lovely, this ain't random. I didn't get lucky, made it right here cause I'm sick with it. Cutty, they all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. I don't need anything to get me through the night. Except the beat that's I laid awake. Pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now. Yeah, it's no debate. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Woo! Yeah. Salfonaï sur Skyrock, c'était G-Eazy à 8h57. Allez, dans un instant, la réponse à la question que je vous ai posée. Qui est le plus sexy? Quel est le joueur le plus sexy parmi les Bleus? Oui, d'après un sondage. Ouais, il y a eu plein de réponses. Et bien, c'est marrant parce que ça commence par un G, les bonnes réponses. Quel est le joueur? On va découvrir ça tout de suite. Il y a Florian qui est avec nous. Bonjour Florian. Ouais, Florian. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nîmes. On est en direct de Nîmes. Tiens, hier, on a offert 1 500 € à Nîmes. Tu connais pas une Nathalie de Nîmes? Non. Ah, dommage, parce que t'aurais pu la gratter, hein, la gagner 500 € hier. Alors, on vous gâte, les Nîmois et les Nîmoises. T'as trouvé la bonne réponse. Quel est le joueur le plus sexy selon les femmes? Le joueur de l'équipe de France de football? Griezmann. Oui, et il a dépassé Giroud, mais de peu, hein. Les deux se tiennent. Ils sont coude à coude. Ouais, et Griezmann qui a dépassé Giroud, qui était le joueur qui était, soi-disant, le plus beau, en tout cas pour les femmes. Soi-disant. Ouais. Bah, il est pas mal. Non, mais ça va, il y a pire. Oui. Oh, bah, ça va, oui. Ouais, ouais, il est pas mal. Heureusement que je joue pas en équipe de France. Ouais, non, mais c'est clair, on serait au-dessus du lot, même. Largement, ouais, mais j'ai une tendinite. Oui, oui, ça, on est au courant, ouais. Mais t'inquiète, on t'emmène chez le boucher après, on a fait juste avant. J'ai entendu. Florian, 2 places pour Disney, un week-end à Disney pour toi et qui tu veux. Bravo, Florian. C'est gagné. Ah, super, merci. Eh ben, bravo merci à toi. Beaucoup. Tu viens de gagner, donc, ce matin, ton séjour à Disney. Tu pars avec qui tu veux, t'as les hôtels. Enfin, t'as un hôtel, déjà, une chambre, c'est déjà pas mal. Oui. Tu as les bouffes, toutes les bouffes, matin, midi, soir. Ce qu'on appelle la portion complète ou all-inclusive. All-inclusive. All-inclusive pour toi. Wow, ouais, ouais, c'est le luxe. Et puis les deux parcs, tu vas t'éclater comme un fou, Flo. Ben, merci beaucoup, merci. Et tu vas avec qui tu veux? Ouais, tu vas partir avec qui? Avec ma copine. Eh ouais, ben voilà, un petit week-end en amoureux. En amoureux, ça va être mignon comme tout. Bravo à toi. Et est-ce que t'aimes bien Lisa Razou à la télé quand il commente les matchs? Oui, oui. Ah, tu aimes bien Lisa Razou? On va voir si les Français l'aiment bien parce que c'est l'heure du réveil de star avec Lisa ce matin. Oui, oui. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Alors, Lisa Razou. Qui veut parler à un Didier ce matin, ça tombe bien. Salut Didier. Salut Didier, bah oui. Bah oui, bah on va t'appeler un Didier, t'inquiète. Salut Lisa. Donc je crois qu'il veut parler à Didier Deschamps, hein, c'est ça. Mm-hmm. Didier Deschamps qui est tout orange ces temps-ci, il est mignon. Moque-toi pas Lisa, bon, faut pas se moquer de ton ex-collègue, en plus ils ont joué ensemble. Ouais, puis son pote. Hein. Et puis champion du monde en plus. Champion du monde. Eh bien c'est parti. Bichente, Lisa Razou, en contact avec Didier. Mais c'est pas Didier Deschamps, hein, je vous le dis. Non, c'est un Didier. C'est Didier. Ah Didier. C'est l'heure du réveil de star. Allô? Salut Didier. Qui est-ce? Lisa. Lisa Razou. Ah oui, sûrement. Tu commences à voir l'euro qui se pointe. Ouais. La ferveur, tu commences à la sentir. Ah ouais. Un petit peu, oui. Alors je voulais revenir sur cette liste. Est-ce que t'as tremblé? Est-ce que tu as transpiré parfois pour la faire, cette liste de 23? Non, pourquoi? Tu as pris cette décision-là? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Bah c'est pas moi, c'est la fédération. Oh. Noël Le Graët, ton président, a fixé comme objectif minimum demi-finale ouais. À l'Euro. Je crois, oui, oui. Est-ce que c'est ton objectif aussi, ton objectif minimum? Ah bah oui. Hein. Professionnellement, si tu veux, j'ai eu tous les succès que je pouvais imaginer. Pourquoi t'es pas resté sur Canal? On m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit ça plusieurs fois. Ça a tendance à m'énerver. Bon, à Canal, c'est quand même mieux, hein. Au niveau football, au niveau sport, au niveau retransmission de matchs, c'est quand même plus intéressant. Quand tu fais de la télévision le matin, c'est compliqué d'avoir une tête complètement éveillée. C'est un choix que t'as fait, hein. J'essaye d'avoir une attitude juste professionnelle. Tu commandes bien les matchs, ouais. T'analyses bien. C'est varié. Ouais. C'est riche. Ouais, bah, on doit pas beaucoup, hein. Parce que moi, je regarde pas téléfoot hein, le dimanche matin. Hein. C'est surprenant. Ah bah non, hein, je suis sur Canal, moi, c'est bon. Hein. Le foot, c'est important dans ma vie, mais c'est pas suffisant. Ah ouais,

tu laisses tomber ta robe par terre. T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort. Pas brasser l'air. Achetons une grande ville à santé VA. Confiné sur une île au large, loin de nous deux, bah ouais, je t'emmène. Je sais qu'ils voudront ma peau bientôt bébé, mais je crois en nous deux. Regarde-moi dans les yeux, tu vois. Je te mens. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Oui, jusqu'à 9h10 hein, même d'ailleurs. On fait les prolongations. Les prolongations. Et Fred arrive dans un instant avec d'autres places de foot à gagner. Tiens, on salue Baptiste qui a gagné ses places de foot ce matin. France-Roumanie. Et oui, gros match. On a offert le match de la semaine prochaine, le match d'ouverture de l'Euro. Aïe, aïe, aïe, dans une semaine. C'est J-7, ça y est. Ah ouais, vendredi prochain, là, on sera, mais au taquet. Ouais, c'est parti. Donc Baptiste de Lille, il file au Stade de France et d'autres places à gagner avec Fred, je vous le disais. Hein. Restez bien dans le coin sur Skyrock. On a offert du Disney, on a offert des téléphones dans tous les sens. Il y a deux téléphones qui sont tombés encore ce matin. Ouais. Ouais, ça fait 1500 balles de téléphone, 1500 euros aussi, qui sont tombés chez Yann à Saint-Malo. Enfin, bisous Yann, bravo bisous, à toi. Bisous, bisous. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah écoutez, plein de choses. C'est l'heure du zap du morning, c'est fait pour ça. Ça s'est passé ce matin, depuis 6h. C'est bon, tu vas réussir à appuyer sur le bouton d'Ifull. Et sur Skyrock. Mais, vous savez, on s'habitue au petit. D'avoir qu'une main. Bah de toute façon, t'as pas le choix là. Regarde, maintenant je suis assez leste avec mes mains, regarde. Aïe, ah ouais. T'as vu Romano? Ouais, va pas te faire une deuxième tendinite. Ouais. Zap du morning, c'est parti. Le zap du morning. Et attention, Cédric, est-ce que tu es prêt? Ouais. Attention à toi. On n'est pas fatigué. Eh bien, c'est bien, Cédric. Génial. C'est une bonne nouvelle. On vient d'ouvrir un coin naturiste. Et on voulait proposer, Jean-Marie, si vous voulez pas venir te faire bronzer un petit peu la nouille dans notre coin naturiste. Non. Allez, viens. Aujourd'hui, tout le monde se met à poil. Ouh, ah bah tu vois, Karine, ne refais plus jamais où, les gens ont peur. Les températures ce matin, 12 à Lille et à Limoges, 13 à Dizon et à Paris, 14 à Carcassonne. Il fait 13 à Dizon, et vous avez vu, il fait pas mal aussi à Limoges. Je crois que tu as un problème avec ta langue. Tu m'as reconnu, Lisa, c'est Difool. Salut Didier. Non, pas Didier, Difool. Bon, on va le retrouver avec les familles de France, j'espère que le contact va bien se passer. Ah, c'est un Didier qu'on appelle. Ah, c'est qui? Lisa. Lisa. Ah, salut. Je t'ai pas reconnu. Bon Didier, on est ici à Biarritz. Pourquoi j'ai fou à Biarritz? J'avais envie de vivre au Pays Basque. Ah ouais, c'est cool. Ce qui m'éclatait dans le sport, dans le foot en particulier, c'était d'exploser des mecs d'un 90 comme toi. Hein? C'est quoi, je t'embrouille. On est amis dans la vie. Bah ramène ta gueule ici, mais t'es un ami vite fait toi. Et on fait tourner, c'est parti. Quand tu veux, tu dis stop, c'est pour France Roumanie. Le match de la semaine prochaine. Ah toi, t'étais rapide. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Eh bien Baptiste, tu viens de gagner ce matin. C'est bon ça. Tes deux places, tu vois, t'en as pas une, t'en as deux, je t'avais bravo dit. Bravo. Bravo. Ah, ça fait plaisir, on va aller encourager les Bleus. Nous, on fait de la radio ce matin. Ouais, mais je crois savoir c'est qui. Ah, on va te poser une question. Doute, j'ai un doute, mais... Alors, on t'appelle pour les 1500 euros. Ça peut t'aider. Et ça sent Skyrock, ça. Ça sent Skyrock, ça sent bon. Hein. Quelle est ta radio préférée, Yann? Bah, c'est Skyrock. Hein. Allez, c'est gagné. Bah, bravo, Yann. Bravo. Ouais. Excellent. Tu viens de gagner 1500 euros, Yann. C'est trop fort. Eh oui, non mais c'est toi qui es trop fort Yann. Eh bien joué, il a gagné tout à l'heure à 8h à Saint-Malo. Bravo les Malouins. Félicitations, France-Roumanie s'est tombé à Lille. Et puis il y aura d'autres places de match à gagner avec Fred qui est là tout de suite. Bonjour mon Fredo. Je suis là, comment ça va? Ah bah attends Fred, il faut qu'est-ce quand même qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va quand même t'annoncer. Alors Fred, on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je ne sais pas si tu es au courant, parce que Fred Difool en a très peu parlé. Souffle un peu, Romano, tout va bien. Mais tu sais que je m'inquiète il beaucoup. Il a plus de nerfs, Difool. T'as l'air énervé, Romano. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais attends, je t'ai rendu service. Difool a une tendinite. Oui, mais je l'ai vu hier déjà. Hier, il était enveloppé comme pas possible. Ah ben là, il l'a encore. Et ça vous fait rigoler, tout non, ça. Non, mais. Je t'ai entendu, Fred. Je t'ai entendu rigoler. Non, mais c'est vrai que t'étais bien enveloppé hier. Je t'assure. Non, mais là, il est pareil avec son bras. Mais comment t'as fait? T'as dormi un peu ou pas? Ouais, un peu cette nuit, mais pas trop. Mais enveloppé comme oui, ça. Oui, enveloppé, et puis je prends des cachetons qui me shootent, c'est la folie. Ça, c'est la seule bonne nouvelle. Ah. Donc je sais pas dans quel état je serai ce soir, mais il faut être là, à 21h, entre 21h et minuit, pour la Radio Libre. En plus, la Radio Libre du vendredi soir, je l'adore celle-ci. Et Fred, n'oublie pas d'annoncer que Difool est de ton Je vous remercie pour vos témoignages. Vous au moins, vous êtes gentils, pas comme peut-être Romano et Fredo. Couper le bras. Ah bah je l'emmène chez le boucher, on a trouvé un boucher là ce matin. Je l'emmène, il va s'occuper de son cas. Parfait. Merci bien. Bon, je reviens de la boucherie ce soir. Hein. Mmh. À 21h. Sans bras. Avec Romano qui va peut-être faire un conseil pas cher spécial. Ce soir, il va vendre le bras de Difool. Je vais arriver avec ton bras sous le bras, justement. Donc, 21h minuit, Radio Libre à pas louper. Et dès lundi, on vous filera vos écrans. Alors, des écrans Samsung à gagner. La dernière télé Samsung à choper, elle fait 1m20, je crois, non, c'est ça, non? 1m ou 1m20, ouais. 1m ou 1m20. Enfin, on vous donnera tous les détails. Vous gagnez c'est ça. C'est un écran 4K, ouais, la dernière technologie. Hein. Et bien, dès lundi matin, à gagner, on jouera Info Mytho tous les matins et vous gagnerez votre écran. Vous continuerez de gagner vos places de foot. Et attention, la pression va monter la semaine prochaine. Soyez bien là dès 6h lundi. N'oubliez pas le rendez-vous du replay du morning, c'est demain avec Vincent entre 6 et 9. Ouais, big et avec, up Vincent. Et avec Rémi qui sera là aussi. Big up à Rémi aussi. Et puis le rendez-vous de ce soir, on vous a dit la Radio Libre à pas louper. Puis d'ici là, restez bien sur Skyrock. Il y a plein de nouveautés aujourd'hui. On a le nouveau Jul à vous faire écouter. Nouveau son de Jul. Ouais, on a démarré l'émission avec le nouveau Maître Gims. Aussi. Ouais. La BO de Camping 3. Oui. BO de Camping 3 qui s'appelle Ma Beauté, c'est ça? Alors, on attend pas Patrick. C'est qu'il a fait ce morceau quand il était passé dans la Radio Libre. Il m'a vu. Il a écrit un truc. Je l'avais vu s'isoler dans le studio Planète Rap juste à côté d'une autre. Et il s'est mis à écrire Ma Beauté. Ma Beauté, ça m'étonne pas, ouais. Et ça y est, il est sorti. Donc du Gims, du Jul, enfin plein de sons qui déchirent. C'est avec toi, Fredo. Ben, je suis prêt. Et ben, on lance le top départ. Allez! Urban Music non-stop toute la journée sur Skyrock. Voilà, un son qui va avec le soleil. Oh, bah tiens. En ce moment. Je vais danser, moi aussi. Avec ta tendinite. Ouais. Justin. Lève le bras, Difool. Ouais, lève ouais. Le bras, ouais. Ouais, il a galéré, là. Merci, Fredo. Allez, les bras en l'air, ouais. À tout à l'heure. Ciao à tous. Ciao. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bienvenue. C'est vendredi 9h15. Dites-nous un petit peu comment ça se passe près de chez vous aussi. Hein. Courage à ceux qui sont sous les inondations. Le son de Skyrock pour tout le monde. Rap R&B non-stop avec Justin Timberlake. Voici Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. You when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move,